Tiens, mais les revoilà, ils vous ont manqué, mais oui, ils reviennent enfin vous parler de domotique, ça faisait trop longtemps. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 28 de Tech Café Domotique. Et oui, nous sommes là, nous sommes toujours vivants, nous ne sommes pas morts, nous ne vous avons pas abandonné. Bien sûr, mes collègues sont toujours là, alors moi vous aurez reconnu peut-être la voix, c'est Julien. Gaëtan est là. Bonjour Gaëtan. Salut Julien, comment ça va? Ça faisait longtemps. Oh écoute, ça fait un bail qu'on ne s'est pas revu. Hein. Ouais, ça m'a fait du bien. je vais bien le prendre. Et puis Antoine, notre fameux technicien son. Et je suis. Non, je suis là. Non, j'ai beaucoup de soucis techniques, donc je vais essayer de rester tout au long de l'épisode, mais c'est pas gagné. C'est une petite boutade parce que ça fait à peu près quoi 45 minutes qu'on essaye de lancer l'épisode, l'enregistrement de l'épisode, mais effectivement des petits soucis techniques. Alors soit c'est ma connexion qui lag, soit c'est le Mac d'Antoine qui ventile pas possible. Comme à chaque épisode en fait. Hein, donc. Voilà, comme à chaque épisode, on perdra sûrement. Mais t'as pris de l'avance. Mais t'as pris de l'avance quand même par rapport aux autres épisodes. Pourquoi ? C'est clair. D'habitude, tu nous laisses au moins un petit peu de temps. Ah oui, là, ça a planté au bout de 30 secondes d'enregistrement. Donc. C'est clair. Donc voilà, écoutez, c'est un retour pour nous. Alors désolé, encore une fois, bon, malheureusement, les emplois du temps de chacun font que c'est un petit peu compliqué de se retrouver à trois et de prendre du temps aussi pour vous préparer l'émission. Pour ce retour, on a décidé quand même de prendre un sujet général. C'est un peu un bilan de cette année qui s'est passée, puisque pour chaque personne, nous avons fait évoluer nos installations domotiques. On a fait rentrer de nouveaux produits, on a décommissionné, on a enlevé certains produits. Donc, on voulait vous faire un petit peu ce bilan pour vous donner nos idées, nos intentions de l'évolution de nos solutions domotiques. Et d'autant plus qu'on avait beaucoup parlé de nouveaux produits qui nous tentaient, certaines choses qu'on avait commandées ou qu'on allait commander. Et l'idée, c'est de faire un bilan aujourd'hui dans nos usages quotidiens. Qu'est-ce qu'on utilisait réellement, par rapport à tout ça, ce qu'on a effectivement gardé ou pas dans nos usages. Donc, rationalisé. Exactement. Voilà. Alors, c'est pas du minimalisme. C'est pas du minimalisme. Hein. Non, on va pas là-dessus. C'est tout ce qui déconne, on l'a viré en fait. C'est ça. Tout ce qui est vraiment finalement pas nécessaire. Voilà, tout ce qui était gadget, etc. Donc voilà, on trouvait que c'était une bonne idée de vous faire un petit point à date sur ce qu'on utilise dans nos usages et vous faire réagir si vous aviez des commentaires ou des idées ou des interrogations par rapport à ça. Alors, pour le watch time, enfin pour le listen time, on a un nouveau sujet qu'on abordera à la fin. Et si vous êtes fan, on pense même en faire un sujet principal. Oui. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour nous écouter et puis voir si effectivement ce type de sujet pourra vous plaire. Teasing, mais teasing. Je pense que c'est un petit peu très tendance en ce moment. Oh oui. Monsieur. Je suis tombé de podcast. Ça fait un peu. Je me suis tombé de podcast, pardon. Oui, ce n'est pas le même. En termes d'actualité, on n'a pas trop sélectionné d'actualité. Alors, on trouvait d'ailleurs un petit peu entre nous, en préparant l'émission, on trouvait l'actualité de domotique assez pauvre. Je ne sais pas si vous et vous partagez ça. Oui, ça n'avance pas beaucoup. Oui, tu les entends. Non, il n'y a pas beaucoup de choses, effectivement. Il y a eu, il y a quelques mois maintenant, années, les annonces du réseau commun Matter, etc., du protocole qui allait se mettre en place. Et depuis, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques produits qui sortent, mais il n'y a pas vraiment de grande révolution. Oui, il y a beaucoup de constructeurs qui se prépare encore une fois. Bon, déjà l'année dernière, on attendait ça pour fin d'année. Il y a Eve, par contre, à l'IFA, qui ont quand même, essayent de s'orienter beaucoup sur le Matter parce qu'ils voient bien que ça va leur ouvrir plus de clients que HomeKit. Il y a Amazon avec Alexa, elle va se déclencher. Pardon. je regarde mon étagère, elle va se déclencher. Effectivement aussi prépare Matter dans ses derniers les ronds, les boules là. Et puis pour ceux qui ont l'iOS 16.1 en bêta, bah, moi, j'ai vu popper dans le petit message général, dans le petit menu général des réglages, les accessoires Matter. Alors, c'est vide hein, pour l'instant. On va dans Général et en dessous de Info, Mise à jour, blablabla, il y a CarPlay, il y a accessoires Matter. Donc, on verra bien ce qu'il y aura dessus. À suivant. Donc, voilà, c'est un peu pauvre. On a juste noté quand même... On parle alors, désolé encore une fois de Apple, mais avec l'arrivée d'iOS 16, l'application Home et surtout l'interface a quand même énormément changé. Donc on voulait quand même le redire pour si vous avez loupé l'information. On est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus user-friendly, hein, vraiment, désolé pour cet anglicisme. Il y a des groupements par catégorie. On a une catégorie caméra, une catégorie lumière, qui permet vraiment d'accéder facilement à tout ça. Aussi, une vue complète de la maison en un scroll. Alors, tout est empilé. Alors, il faut faire attention. Hein. Par contre, moi, j'ai beaucoup de choses dedans et ça devient vite le bordel si on a trop de trucs. Bon, après, je ne suis peut-être pas le client lambda, mais voilà. Mais toi, je sais, Antoine, hein, qui tu utilises beaucoup HomeKit et surtout en interface. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est vrai que c'est vachement mieux. Moi, c'est ce qui m'avait fait passer à la version bêta. J'avais craqué à chaque fois qu'il y a un iOS qui sort en bêta. Je me dis toujours, je vais pas l'installer parce que ça va foutre le brin dans le téléphone. Et puis, comme d'hab, j'ai craqué parce que c'est le seul truc qui m'a fait installer rapidement la bêta. Parce que clairement, dès que j'ai vu l'interface et le visuel beaucoup mieux, beaucoup plus sympa, j'ai voulu absolument tester. Et effectivement, on en parlait en préparant l'émission, je me rappelle même plus comment c'était avant, tellement je m'y suis habitué aujourd'hui, tellement c'était c'est bien. C'était moche avant. Ouais, bah... ça bon, allait toujours. Peut-être pas. Ouais, c'était, mais franchement, c'est nettement mieux. Et comme tu disais, ouais, les caméras, par exemple, regroupées tout ensemble sur un seul truc, moi j'avais été obligé de bidouiller, de créer une pièce en fait pour mettre toutes mes caméras pour tout voir ensemble. Enfin voilà, là on voit qu'aujourd'hui ils améliorent. Je trouve ça un peu lent à mon sens, ce type d'amélioration. Je trouve qu'ils mettent beaucoup de temps à y passer, surtout Apple qui pourtant innove vachement d'habitude. Je trouve qu'ils avancent vraiment à tâtons sur le côté domotique et maison connectée, quoi. Bah, pourtant, ils veulent, hein, j'ai l'impression qu'ils veulent s'impliquer, mais ils veulent peut-être, mais ils n'y arrivent pas. Peut-être pas les moyens. Non, mais ils cherchent encore un peu sur la partie usage et sur la partie interface. Un truc très bas. Ouais, il y avait une vidéo là dernièrement. On s'est partagé la vidéo sur la transformation en shortcut des automatisations. Ouais. On voit bien qu'il y a une petite volonté, mais là par contre, pour le coup, je trouve que c'est carrément pas user friendly. C'est pour n'importe qui faire une automatisation un petit peu poussée. Alors attention, on parle pas de trucs phénoménal, mais voilà, c'est pas encore, on sent que c'est pas l'ADN d'Apple, la facilité d'usage. Pour ouais, ça. Après, on n'est pas les utilisateurs non plus lambda ou monsieur tout le monde fera une automatisation simple où quand t'appuies sur tel truc, t'allumes tel truc. Enfin voilà. Les conditions if sur un capteur, etc., t'es obligé de passer en convert en shortcut voilà quoi. Juste pour terminer, en dehors de la changement d'interface, enfin d'amélioration de l'interface, il y a un truc que moi j'ai trouvé très très bien, il y a un truc qui m'énervait avant, c'était le fait de pouvoir cliquer sur un bouton sans pour autant allumer ou éteindre une lumière. Ouais. C'est-à-dire que avant il fallait s'appuyer très longtemps pour pouvoir rentrer dedans si on veut changer par exemple la luminosité ou la couleur d'une ampoule. Là aujourd'hui, quand on appuie sur le petit bouton, le widget entre guillemets, enfin une sorte de widget, on rentre dans ce menu-là. Si on veut allumer ou éteindre, il faut juste cliquer sur la petite icône, enfin la petite icône de l'ampoule qui se trouve dans ce petit bandeau, dans ce petit widget. Donc avec le pouce, si on vise bien, on peut allumer et éteindre. Si on appuie génériquement plus sur ce widget, on rentre dans cette interface. Alors qu'avant, le fait d'appuyer dessus, on allumait ou éteignait directement la lumière, par exemple, ce qui pouvait gêner sur les configurer un truc la nuit. Ouais, c'est vrai que ça a été un truc qu'il a fallu un peu s'adapter au début, et je me souviens avoir vu passer sur les groupes Facebook, HomeKit et compagnie, des gens qui demandaient, j'arrive plus à rentrer dans l'interface de mon appareil, comment je fais et tout, et c'était pas intuitif au début, quoi. Donc, effectivement, petite habitude à prendre, mais on s'y fait vite. Voilà, voilà. Ok, on va passer un petit peu à notre bilan. le premier point, bien sûr, c'est le sujet principal, où on en est sur les box et les systèmes domotiques. Avant de parler des différentes catégories, hein, qui sont les lumières, les objets, les sécurités et le dernier point secret. Alors moi, pour ma part, je suis toujours sur Home Assistant. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. C'est toujours ma box principale, j'en suis toujours super content. J'en ai installé une deuxième instance dans une résidence secondaire, j'en avais déjà parlé. Le seul truc, c'est qu'au bout de 2 ans, là, je suis en cours de réinstallation sur une instance vide. Pourquoi ? Parce que c'est le bordel, clairement. Et ça, c'est dû à mes erreurs de débutant au début, où je tâtonnais, j'en ai foutu partout, je n'avais pas encore compris le système. Il y a aussi beaucoup d'évolutions de Home Assistant qui ont fait que maintenant, on ne fait plus dans les fichiers YAML beaucoup de choses, on les fait via l'interface, notamment les groupements de lumière, etc. Donc voilà, je profite de ça pour remettre à plat aussi et arrêter d'avoir une machine virtuelle avec un disque dur de 180 gigas pour ma base de données Home Assistant, que je ne sais toujours pas pourquoi j'ai 180 gigas de consommer là-dessus. C'est pas mal. Oui. Oui, je pense aussi que je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai limité à 3 jours mes logs et tout, mais bon, bref. Donc voilà, c'est pas beaucoup de news. Je reste toujours fidèle à Home Assistant, qui a très, très bien évolué quand même depuis ces 2 dernières années. Effectivement, je confirme, puisque pour ma part, je suis toujours sur Home Assistant également. Par contre, ma petite évolution, c'est qu'avant, je l'avais installé sur mon NAS, de manière à avoir une seule machine et puis avoir plein de choses installées dessus. Le seul problème, c'est que j'ai eu la mauvaise idée d'installer, donc c'est un Synology, d'installer la version 7, le DSM 7, la version donc d'exploitation en 7. Et comme ils sécurisent de plus en plus ce système, enfin leur système d'accès, eh ben ils ont bloqué en fait l'accès aux clés USB, pardon, au port USB. Résultat des courses dessus, lorsque vous branchez tout ce qui est en USB. Par exemple, le Philips Hue, non pas Philips Hue justement. Qu'est-ce que j'ai branché en USB dessus? Bah les clés Zigbee. Les clés, oui, pardon, Zigbee, c'est ça. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai branché dessus? Non, Zigbee, les clés Z-Wave, le RFXCom qui me sort plus d'ailleurs. Bref, donc j'avais quelques trucs qui faisaient, bah, que c'était, ça ne fonctionnait plus, pas. Il fallait bidouiller dedans à chaque redémarrage. Si j'avais un redémarrage ou une coupure de courant, où le NAS se coupait. Eh ben, c'était un sketch pas possible pour pouvoir relancer toutes les fonctionnalités de la box. Donc ça m'a un petit peu gonflé, donc je suis passé sur un Raspberry, j'avais un Raspberry 3 qui traînait, donc tout content. Sauf que ce Raspberry a commencé à déconner au bout d'un moment, à planter, donc j'ai obligé de le débrancher, de le rebrancher. Donc je m'en suis pas occupé tout de suite, donc la carte SD, c'était elle, a lâché. Et j'ai installé donc sur un SSD, je dis comme ça, ce coup-ci j'ai une installation propre, complète, un Raspberry, un disque SSD, comme ça au moins j'ai plus de problème. Et j'ai voulu restaurer une sauvegarde que j'avais pour Home Assistant. Et j'ai galéré également. J'ai dû peut-être me reprendre à une quinzaine, une vingtaine de fois avant de pouvoir tout restaurer et tout remettre comme c'était. Donc de choses qui m'ont compliqué la vie, qui étaient beaucoup moins faciles et moins ouais, c'est super, ça marche bien. Depuis, tout fonctionne. Là, c'est bon, j'ai tout récupéré. C'est sur du SSD, je fais une petite sauvegarde. Donc maintenant, j'essaie de pas trop bricoler, enfin de réinstaller les choses. Là, je suis content, tout fonctionne bien. Et j'utilise toujours, donc en fait, en termes d'interface, HomeKit via notamment HomeBridge, avec surtout Siri, pour commander les différentes commandes de la maison. Enfin, d'ailleurs, je suis pas le seul. On a tous utilisé ce système au niveau de la famille. Mais c'est marrant parce que la partie sauvegarde, moi, j'ai eu le cas où j'ai dû réinstaller une VM et recharger ma sauvegarde. C'était mais hyper transparent, quoi. C'est marrant que J'ai merdé sur du Z-Wave qui ne remontait pas. Après, du Zigbee. Enfin, j'avais des trucs qui remontaient partiellement. La sauvegarde se réinstallait partiellement, ou voire même, à un moment donné, se planter. Ou alors, la sauvegarde fonctionnait, et dès que je faisais la mise à jour, parce que c'est une sauvegarde qui datait de quelques mois, dès que je faisais la mise à jour du corps ou du... Tu dis pas tout, voilà. Ouais. Ta sauvegarde était vieille de plusieurs mois. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, forcément, quand tu mets la mise à jour, bam. Ah oui. Ah, mais les mises à jour plantaient également. Et pas tout le temps. Et pas les mêmes. Enfin, bon... Et oh, hein? Bon, j'ai réussi quand même malgré tout. Bon, Antoine? Bah, et moi toujours, j'ai toujours un gilôme qui tourne à la maison. Mais que je n'utilise plus, en fait. Voilà, il est là, mais je me connecte encore dessus de temps en temps pour voir si tout va bien. Mais non, j'avais plein de bordel. J'avais, un peu comme toi, tu disais, Julien, j'ai tellement bidouillé dedans, tellement fait de trucs, essayé de faire des designs. J'ai plein de conneries. Alors, ça fonctionnait, hein. J'avais quelques automatisations et compagnie qui tournaient dedans, que j'utilise plus aujourd'hui. J'ai aussi un Home Assistant que j'ai installé à force de vous entendre en parler, à force d'avoir des intervenants qui nous ont vanté de long en large Home Assistant, je me devais d'essayer. Donc effectivement, j'ai installé ça sur un Raspberry, ça marche hyper bien. Ça a l'air effectivement très cool, sauf que bah je me suis pas penché, faute de temps, j'ai pas creusé non plus, même si ça a l'air vraiment un système vraiment bien foutu. De ce qu'on envoie à droite à gauche et de ce qu'on entend, et mais voilà, à terme, à voir si je creuse un jour vraiment plus là-dedans, mais voilà. Et puis sinon, bah non, j'utilise surtout HomeKit, comme on en a parlé en début de l'émission là. Voilà, je suis hyper satisfait d'HomeKit aujourd'hui. En plus, je suis Apple addict, on va le dire, hein. donc voilà, aujourd'hui dès que j'installe un nouvel objet connecté, j'essaye que ce soit du HomeKit. Et si c'est pas du HomeKit, bah j'ai un HomeBridge de toute façon qui est installé sur un Raspberry en standalone, qui fonctionne hyper bien. Je remonte aujourd'hui dans mon HomeBridge tout ce qui n'est pas compatible nativement en HomeKit, donc ça me pose pas plus de soucis que ça. Et voilà, non, j'essaye de tout faire fonctionner justement sur Home d'Apple, et ça me va bien, surtout avec la nouvelle interface, comme on disait, qui est pas plus mal. Donc voilà, j'ai pas trop besoin finalement de passer sur autre chose. J'ai pas de scénario, de truc hyper compliqué. Donc je me dis, quel intérêt de me prendre la tête avec un autre système. Là, on a un truc qui marche un peu clé en main, qui marche pas mal, quoi. T'as raison, hein. Encore une fois, il faut savoir adapter par rapport à tes besoins. Ouais. Si t'as besoin d'une usine à gaz et que bah, ça marche très bien comme ça. Voilà, et puis surtout, en plus, mis à part bon, que l'interface a été un peu améliorée, j'ai découvert une app Home Widget depuis quelques temps, quand elle est sortie. Aujourd'hui, elle est pas mal aboutie, et un truc développé, enfin, une application française, en fait, qu'un gars, alors c'est Clément, je sais plus quoi, son nom, j'ai discuté avec lui un petit peu. Clément, je sais plus quoi. Le respect est mort. Je l'ai plus dans la tête, hein, désolé si tu nous machin, écoutes. Salut, c'est machin. Clément Marty, c'est ça, voilà, qui a développé une application. Marty, qui nous fait des beaux, en fait, sur le dashboard de votre iPhone, ou de votre iPad, vous pouvez vous faire des beaux widgets, avec des boutons, des trucs vraiment assez sympas. Ça fonctionne hyper bien. Et pas que des actions, tu peux aussi avoir des informations. Ouais, bien sûr. Des informations, voilà, on a beaucoup plus d'icônes à dispo que d'icônes et de visuels que ce qu'il y a nativement dans HomeKit, enfin dans Home. Et donc, il y a moyen de se faire des beaux trucs. Moi, j'ai quelques pages voilà, de widgets que j'utilise avec les équipements que j'utilise régulièrement, le portail, la porte de garage, les lumières, quelques retours de température et compagnie. Donc, non, ça marche vraiment super bien. Et puis voilà, il m'a soufflé à l'oreille qu'une nouvelle version arriverait vers Noël, avec quelques nouveautés. Donc, mais qui m'expliquera bien plus tard. Mais voilà, ça fonctionne hyper bien. J'ai pas essayé. Il m'a dit qu'il y avait iOS 16 avec l'arrivée des widgets sur l'écran d'accueil, l'écran verrouillé. J'ai pas encore essayé. Visiblement, il y a moyen de faire des choses aussi avec. Donc il faut que je regarde ça de plus près, mais voilà, j'en suis hyper content, c'est top. Et puis une application que j'ai achetée, qui est pas si onéreuse, hein, je sais même plus le prix, mais c'est quelques euros, ça vaut le coup. Hein. Franchement, vous pouvez le tester gratuitement, et puis comme moi, je pense que vous l'achèterez rapidement, tellement c'est bien. Voilà. Et puis donc voilà sur quoi je tourne actuellement. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, bah ça c'était pour la partie qu'est-ce qui fait tourner nos super objets, automatisation, etc. Alors justement, en parlant d'objets, on voulait vous parler un petit peu, peut-être une catégorie un petit peu générale qui est lumière et autres objets. Voilà, c'est Gaëtan qui voulait prendre un petit peu la parole là-dessus. Ben, t'as des nouveautés, toi. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. Ben non, pas grand-chose justement. Sur la partie, en fait, sur la partie lumière, donc moi je continue toujours à adorer le système Philips Hue, que j'ai complété au fur et à mesure des promos, des mois, etc. Enfin, des mois. Après, j'ai pas. Enfin, une fois qu'on a tout, on a tout. Ils ont des nouveautés sympas en plus, là, en ce moment. Enfin, je teste pas les nouveautés. Moi, j'ai très classique, une ampoule, etc. Non, mais... Même les bandelettes, je me suis pas mis. Et par contre, un truc que j'ai testé là, cet été, j'étais fait un petit tour chez Lidl et en fait, ils ont leurs bandeaux LED Lidl qui sont plus ou moins compatibles avec Philips Hue. Et mon idée, c'était de synchroniser une ampoule Philips Hue avec la couleur du bandeau Lidl. Tout ça par HomeKit, Siri. En gros, tu dis, tiens, mets telle pièce en rouge. Et je veux que l'ampoule soit rouge ainsi que le bandeau LED. Et pour ça, j'ai dû repasser par Home Assistant. Enfin, j'ai un peu combiné, donc j'ai bricolé le truc et ça fonctionnait. C'est un peu usine à gaz, mais j'ai réussi à faire fonctionner ça. Donc, ça m'a un peu amusé. Puisqu'on pouvait... T'as fait un groupement dans Home Assistant. Et parce que justement, dans HomeKit, enfin dans Home, tu peux faire des groupements de lumière, mais je crois qu'ils doivent être de la même ouais, marque, c'est ça. Etc. En fait le bandeau LED Lidl ne remontait pas via le Philips Hue en HomeKit. Donc en fait, par contre, il remonte bien dans Home Assistant. Donc en fait, faut le faire remonter. Enfin, c'est tout un bricolage à la con, mais j'ai réussi à faire ça. Donc ouais, c'est une petite évolution de lumière. Après, j'ai pas trop modifié les scénarios, j'ai pas trop modifié les autres systèmes. Ça fonctionne bien. Si je m'étais fait un système d'allumage automatique pour une pièce, mais bon, c'est du bricolage provisoire, mais ça marche toujours bien. En gros, détecteur de présence, quand tu passes, t'allumes et puis au bout d'une minute, s'il se passe plus rien, t'éteins. Un truc tout con, mais ça marche toujours bien. C'est efficace et ça permet de en attendant des vrais interrupteurs, une vraie lumière, au moins d'avoir un truc un peu provisoire pour tout le monde. Et tu parles, je reviens juste, tu parlais de Lidl, c'est bientôt Noël, et Lidl on a ressorti apparemment, c'est de nouveau, non j'ai des conneries, c'est Action, pardon, je confonds. Mais le problème d'Action, c'est qui Jean-Michel à peu non, près Action, non, ça me fait penser, c'est me fait Clément penser Machin à la guirlande, qui la m'a guirlande dit Noël, dans le magasin un truc qui allait faire, en fait, non, en fait, c'est pas là. C'est pas Lidl, non, parce que je confonds avec alors, Action, qui a aussi toute une gamme d'objets connectés. Ouais, Action, t'entends, je passe un tour et je regarde un peu ce qu'il y a sur ce rayon-là. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de produits, même des caméras, des interrupteurs, des smart rings là, pour les portiers connectés. Sauf que tout est en Wi-Fi. Ouais. C'est plutôt Action, c'est plutôt Wi-Fi. Tu as du Zigbee chez Lidl. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, le Wi-Fi, enfin bon, après, on a déjà parlé. Donc voilà, je suis moins fan. Ouais, non, mais enfin tout ça pour dire oui, c'est pas Lidl, ouais, je confonds, mais c'est Action qui a les guirlandes connectées de Noël, comme tu as de la marque, je ne sais plus laquelle, qui est très très présente. Ah, Twinkly. Twinkly, voilà. Twinkly. Donc ils ont un équivalent chez Action qui apparemment est pas si mal. D'accord. Et c'est pas Lidl, voilà. Et Twinkly est en Wi-Fi. Je pense qu'on a assez fait la pub de Lidl et de Action comme ça. La régie publicitaire va nous tomber sur le dos. Antoine. D'autres choses. Moi, en petite nouveauté, depuis la dernière fois, j'ai surtout la serrure Nuki. Alors c'est Nuki qui me l'a envoyé, je vais pas le cacher, qui m'a envoyé leur excellente serrure, puisque j'étais le seul à ne pas être équipé en Nuki, à n'avoir jamais testé cette serrure. Et effectivement, avec le recul, voilà, donc c'est la Nuki, la V3 Pro. J'ai pas précisé la dernière qui est sortie et avec le recul effectivement ça marche hyper bien, donc j'ai reçu mi-décembre 2021, donc ça va faire mine de rien pas loin d'un an et ça marche vraiment super bien hein, comme vous en aviez déjà parlé de long en large et testé, on n'avait pas fait un épisode quasi là-dessus mais on en avait beaucoup parlé et effectivement c'est vraiment top hein. Clairement depuis mi-décembre j'ai pas remis ma clé dans la serrure. À la maison, on n'utilise plus la clé de la porte d'entrée, donc c'est vraiment top. Et encore, t'as pas le petit digicode dehors ? Non, même pas. Ah, non. Tu devrais ça, c'est ouais, bien. Ouais, je sais que c'est un truc que je vais y passer, je pense. Surtout que ma fille commence de temps en temps à rentrer de l'école à pied, je pense qu'un jour, c'est vrai que ce serait pas mal. Non, par contre, juste des problèmes d'autonomie, mais ça, je pense que c'est lié à mon système, comme tu me l'as. Alors ouais. Comme tu me l'as fait remarquer, toi, Julien. Ouais. Donne l'info pour les auditeurs. Voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire. Hein, donc je vais expliquer parce que j'ai un ami qui a la V3. Moi, j'ai la V2, donc la différence essentiellement, c'est que la V2, elle est Bluetooth et pour accéder au Wi-Fi, il y a une passerelle qui, elle, est branchée sur une prise électrique. La V3 est directement Wi-Fi. Tout intégré, ouais. Voilà, et mon ami me disait, c'est bizarre, l'autonomie, elle est pourrie. Il arrivait à même moins d'un mois d'autonomie, etc. Bon, ouais, sa serrure était dure, mais il avait des messages de serrure dure, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'est tout simplement la batterie était épuisée à cause du Wi-Fi et du broadcast Wi-Fi. Alors, c'est-à-dire, pour le résumer, ceux qui ne connaissent pas en détail, et pour les experts, désolé si je fais des approximations, je ne suis pas un expert, c'est que en fait, en Wi-Fi, on va dire que tous les appareils connectés sur le même réseau Wi-Fi vont forcément s'échanger des informations, même si elles ne sont pas censées se parler. Il y a quand même des messages qui sont envoyés. Et donc, a priori, Nuki reçoit des messages d'autres personnes, enfin d'autres appareils, et communique avec d'autres, donc ce qui bouffe la batterie. Mmh. Et mon ami, à partir du moment où a isolé la Nuki sur un autre réseau Wi-Fi, bien sûr, qui peut parler avec le réseau principal, etc., pour sa passerelle domotique, bref, blablabla, son autonomie, elle est revenue, on va dire, à la normale, c'est-à-dire ce qui est annoncé par Nuki, quoi. Plusieurs mois. Ouais, j'ai certainement un problème similaire, puisque je tiens, moins d'un mois, trois semaines, grand max. Donc, alors qu'on a une utilisation normale à la maison, donc je pense qu'effectivement, j'ai certainement ce type de souci. Alors, c'est le seul problème, c'est est-ce que vous êtes en capacité technique de faire un deuxième réseau Je suis pas sûr. Avec une box internet de base, ouais. À mon avis, moi, je suis sur un système Orbi et donc j'utilise plus le Wi-Fi de la box, de toute façon, ma box d'origine. Donc, je sais pas, il faut que je regarde, mais je crois que sur le Orbi, je pourrais pas de toute façon. Il faudrait que je passe sur un routeur qui me permette de faire ça. Donc à suivre. Mais hormis ce petit problème d'autonomie, c'est vrai que c'est une serrure vraiment excellente. Mmh. Donc voilà. Et puis j'ai une nouvelle lubie aussi à la maison, moi, niveau matos, mais c'est un peu pas du gadget, mais c'est tout ce qui est tag NFC. Donc depuis que j'ai découvert les tags NFC, j'essaye d'en mettre un peu partout. C'est quoi les tags NFC? C'est juste un petit bout de plastoc, hein. C'est en gros la même chose que quand vous achetez un caleçon ou un t-shirt dans un magasin de fringues, la petite étiquette qu'on découpe pour pas que ça sonne quand on sort. Tu veux dire qu'avec mon caleçon, je peux commander ma domotique? C'est ce que j'allais te dire. Tu peux mettre ton téléphone dans ton slip et peut-être que tu pourras allumer tes lumières. Mais voilà, en gros, ça coûte que dalle. Hein. J'en ai acheté encore récemment 10 là sur Amazon. J'ai payé ça 7€, je crois. Et donc, ça permet de programmer. Donc, par exemple, dans mon application raccourci sur l'iPhone, je vais me faire une petite automatisation qui est déclenché quand je passe mon téléphone ou que je pose mon téléphone sur le Ouais, mais donne des exemples parce que voilà, le principe, il est bien beau, mais vraiment concret et utile. C'est surtout utile, donc indispensable. Non, clairement, par exemple, j'en ai mis un à côté de mon canapé. Quand on est assis dans le canapé et qu'on se dit « Ah, faut fermer tous les volets !» Alors, évidemment, je peux le piloter avec la voix avec Siri, mais par exemple, j'ai mis un tag pour sans avoir à demander à Siri « On peut fermer tous les volets de la maison et de l'étage. » J'en ai mis un à côté de la porte qui me permet de pas courir après une télécommande de portail. Si quelqu'un sonne et tout, on veut ouvrir tout de suite, t'as toujours le téléphone qui est toujours à proximité, paf, tu peux ouvrir le portail. Voilà, j'en ai mis où à terme je vais en mettre un peu partout. Moi j'ai envie de m'en coller un sur mon bureau carrément, au boulot quand j'arrive, si je veux, pour X raison, moi à terme ce que j'aurais faire c'est me faire un petit scénario qui m'envoie une info tous les matins quand j'arrive au boulot ou n'importe quand. Quand je scanne ce tag, justement, que ça m'envoie un mail sur ma messagerie de boulot qui me donne un état de la maison, en fait, qui me dit le portail est resté ouvert, les lumières sont allumées ou pas, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Ça correspond plutôt ça correspond comme un usage d'un interrupteur. C'est ça, voilà. Dédié sur une configuration que t'as programmée. En fait, on peut lui programmer une action, vraiment, envoie-moi une info. N'importe quoi, ouais c'est ça. Tu as un usage aussi, je le vois beaucoup. C'est les poubelles. Ouais, exactement. Je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est que si tu as un scénario qui te rappelle de sortir les poubelles, et en plus, tu mets un tag sur tes poubelles, comme ça tu, une fois que tu les scannes entre guillemets, sorties, ouais, tu dis, ça évite que bah, toute la soirée ta box domotique te dit bah tiens sors les poubelles, sors les poubelles, non tu dis c'est bon je l'ai fait quoi. Et j'en ai vu moi qui ont fait ça aussi un peu sur le même principe sur la boîte aux lettres. Tu vas chercher ton courrier, enfin ta femme est arrivée avant toi, elle a récupéré les colis, le courrier, hop elle passe son téléphone et puis ça te dit c'est bon le courrier. Pour ceux qui ont domotisé leur boîte aux lettres par exemple, moi j'ai un capteur de vibration sous la boîte aux lettres. Qui peut te déclencher un scénario, de dire ça y est, il y a du courrier, il y a un colis. Si personne derrière va valider, c'est bon, j'ai relevé la boîte aux lettres, tu peux être emmerdé, spammé de notifs. Hein, voilà. On peut imaginer vraiment tout et n'importe quoi, et je trouve ça vraiment cool. Moi, par exemple, je pense que je vais m'en mettre un sur mon vélo, pour, parce que quand j'arrive à la maison, alors je l'ai sur mon iPhone, je me suis fait un bouton justement sur le panneau sur Home Widget, comme on a expliqué tout à l'heure. Maintenant que je vais beaucoup en vélo, enfin plusieurs fois la semaine, quand j'arrive à la maison, qu'il faut que je sorte soit mes clés, soit mon bip de portail, soit mon téléphone pour aller ouvrir le portail, le garage, la porte d'entrée et compagnie, là, en un clic sur mon téléphone, donc j'ai fait un scénario qui fait tout ça, on peut imaginer par exemple que je planque un tag sur le côté de mon portail et puis je déclenche ça et tout s'ouvre. En sachant que l'automatisation, parce que là, tu viens de dire, on pourrait se dire, bah tiens, c'est un problème de sécurité, tu planques un tag à côté de ton portail. Oui, non. Oui. L'automatisation, elle est sur le téléphone. Exactement. On donc, même si quelqu'un arrive auprès du tag, ça ne lancera rien du tout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre truc, c'est que. L'inconvénient, ouais, de ce truc-là. Ouais, c'est aussi un inconvénient, c'est-à-dire que si vous êtes à deux à avoir le même, la même automatisation, il faut la refaire sur le téléphone. Ouais. Voilà. Si ma femme veut la même chose sur les tags, en fait, j'étais obligé, pour certains trucs, de lui faire la même chose sur son téléphone. Donc. Mais c'est aussi un avantage, c'est que le même tag, suivant le téléphone, peut faire deux choses différentes, suivant monsieur ou madame. Ouais, donc en fait ça permet de sécuriser en fait, ton interrupteur. Je reste toujours sur mon analogie d'interrupteur, mais en fait, ça te fait un interrupteur sécurisé. N'importe qui ne peut pas appuyer dessus, c'est uniquement ton téléphone qui est autorisé à utiliser ce tag. Par contre, le mec qui te tabasse devant chez toi, qui te prend ton téléphone et qui a compris le truc, bah, il sait comment rentrer chez toi et puis voilà. Ouais, mais je pense que si tu tabasses, il ne faut pas que le tag NFC. Non, c'est clair, c'est cas extrême. Mais voilà, l'avantage du truc, surtout en plus, c'est que voilà, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de. Parce que ça, on peut le faire avec des AirTags d'Apple, ça peut se faire aussi, hein. Ce genre de bidouille, mais là l'avantage, il y a pas de pile, il y a rien, c'est juste une petite pastille toute fine que vous mettez où vous voulez quoi. Donc ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment très cool. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis au niveau matos, non, j'ai oublié un truc que j'ai changé, c'est ma chatière connectée que j'étais obligé de changer, elle a rendu l'âme. Donc j'étais obligé de la remplacer. C'était pas trop, ça faisait quoi? Pas longtemps que Ça faisait un peu plus de 3 ans, et malgré moult batailles avec le service client, même en leur disant « Ah, on fait un podcast sur la domotique, quand même, vous pourriez faire un geste, ma machine a lâché. » Oh, le gars, comment il utilise ses Non, mais je leur ai dit « Attendez, j'en ai toujours dit que du bien. » Et là, aujourd'hui, je suis vraiment mécontent, parce qu'en fait, pour faire simple, ma machine, un peu comme la Nookie, la batterie ne tenait plus. Mais clairement, elle avait un problème matériel. En fait, j'entendais un petit composant en fait qui en permanence faisait clic clic à l'intérieur, et je pense que elle était actionnée en continu, et je pense que c'est ce qui faisait que ça c'est quelle marque, c'est la même que j'ai, Petcare, je sais plus quoi, ouais, Shure Petcare, c'est ça, lui il avait un chat coincé dans la chatière, c'est ça Shure Petcare, oui Shure. Voilà, donc après moult batailles, après avoir testé de tas de piles et tout. Mais c'est pas de la batterie, c'était des piles. Ouais, c'est des piles. J'avais trouvé une bidouille, une parade, qui d'ailleurs j'ai remis sur la nouvelle, parce que j'en ai racheté au final une nouvelle. Parce que le seul truc, c'est qu'ils m'ont dit si vous voulez en racheter une, on peut vous filer un code promo de 10%. Ah, donc t'as repris la même? J'ai repris la même, parce que c'est tellement bien. Enfin, quand ça marche, c'est tellement bien que je pouvais pas. Puis en fait, il n'y a pas d'équivalent en fait sur le marché. C'est pas comme certains produits connectés, des caméras ou autres, où voilà, tu peux changer de marque, tu peux trouver plein de trucs. Là, c'est les seuls qui font vraiment un truc qui fonctionne bien. Bon, la mienne a rendu l'âme pour je ne sais quelle raison. Mais donc voilà, j'en ai racheté une. Et la parade, par contre, j'ai plus de piles. J'ai acheté. C'est en fait des espèces de piles factices où il y a un petit fil électrique qui sort, une petite nappe, et tu vas brancher ça sur il y a un petit transfo, et tu vas brancher ça sur une prise élec, et du coup, t'as plus à changer les piles. Donc, c'est ce que j'avais testé sur l'ancienne, et puis voilà. Bah écoute, il va falloir mettre le lien parce que même moi ça m'intéresse. Elle bouffe pas trop de piles, mais je mets des Energizer lithium bazar. Ouais, bah c'est ce qu'ils conseillent. Hein, quand j'ai tout de suite quand j'ai expliqué mes problèmes au service client, on m'a dit ouais, est-ce que vous mettez des Energizer ou je sais plus quelle marque. Enfin voilà, faut surtout mettre de la bonne marque. Ouais. Ce qui est conseillé. Donc t'aurais pu garder l'ancienne avec les nouvelles piles. Non, c'est ce que je disais, j'avais essayé et ça ne fonctionnait pas non plus. Elle se plantait en fait. Au bout d'un moment, ça fonctionnait deux jours. Et au bout d'un moment, elle se plantait carrément. J'étais obligé. J'en étais même venu, vu qu'elle se plantait, à mettre une prise connectée sur ce petit transfo qui faisait que je faisais rebooter la machine à distance. Enfin, elle était un sketch quoi. Parallèle avec mon ballon d'eau chaude. C'est ça. Okay. Et un sketch total, ce qui fait qu'au final, avant de partir en vacances cet été, j'ai dit c'est pas possible, on peut pas se retrouver en galère. Parce que en fait, la grosse galère, c'est que plusieurs fois, le chat s'est retrouvé coincé dans la maison. Notamment les vacances précédentes, où pendant quelques jours, elle est restée coincée dans la maison. Donc on a dû refaire toute la déco. Alors qu'elle est habituée à sortir à l'extérieur, je vous fais pas de dessin. Voilà le sketch, quoi. À la rigueur, je préfère qu'elle soit enfermée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour sa sécurité, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, enfin, quand on est rentré, qu'on a ouvert la porte, on a pas rigolé. Oui, mais elle est en sécurité. Mais oui, elle est en sécurité. Donc voilà, j'ai été obligé de reprendre la même chose. Pour conclure, on verra si ça tient 3 ans. Et à propos de sécurité, comment ? Et moi, tu m'as oublié, monsieur. Pardon. mais oui, déjà, de toute façon, tu avais lancé Antoine alors que c'était mon tour. Je te remercie. Non, j'ai lancé Antoine. Que tu... Si, si. Oh, pardon. Bravo. C'est... Donc, effectivement, alors, même si ça ne vous intéresse pas, par rapport à tous les objets, alors lumière, clairement, il n'y a rien de nouveau pour chez moi. Comme j'ai dit, moi, je suis plutôt en phase de rationalisation et de décommissionnement. Donc, je supprime des objets. J'ai beaucoup, alors notamment toutes les conneries Xiaomi. Par exemple, les passerelles Zigbee, etc. Hein, là, il n'y a plus rien qui tourne. Moi, je suis en direct. Beaucoup de prises télécommandées qui étaient là. En fait, finalement, je m'en sers pas vraiment. Et comme elles mesurent pas la consommation électrique, bah, en fait, finalement, plutôt que ça consomme même 1 watt en veille, bon, je supprime. Économie d'énergie. C'est important. C'est le mot d'ordre en ce moment. Donc, voilà. Donc, ouais, je suis plutôt à vraiment supprimer tout ce qui est clairement inutile. Je pense à mon afficheur LED, comme Gaëtan, tu avais, hein, le Autrix. Toutes ces choses-là, en fait. Vraiment, je deviens peut-être austère, trop vieux. Oula, ok, boomer. Ça va pas ? Tu veux en parler ? Non, c'est... Alors, je vous rassure, j'ai quand même craqué sur des conneries. Chez Sonoff, je sais plus si on en avait parlé, je les avais déjà reçus. J'avais backé les Kickstarter du NS Panel, donc l'écran avec les deux boutons physiques voilà, que j'utilise, que j'ai un qui est resté en firmware normal et un que j'ai mis avec un firmware ESP-OM. Qui me permet de mettre directement les informations que je veux dans le NS Panel et sur l'écran. Et ça, c'est vraiment bien, ça marche super bien. Même si Sonoff et WeLink ont en fait développé toute une interface pour ajouter depuis Home Assistant des produits qui ne sont pas Sonoff dans le NS Panel. Ah. Donc en fait, ils font une sorte de simulation. Est-ce qu'on pourrait effectivement garder le firmware standard ? Pour l'instant, alors d'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps avec leurs développeurs parce que moi, dans ma config, ça marchait pas. Je leur ai envoyé toutes mes logs, etc. Ça marche pour des lights et des switches, donc les lumières et les interrupteurs dans Home Assistant. Et voilà, on peut récupérer directement. Et j'ai continué, hein, puisque j'étais très content des NS Panel, j'ai décidé de commander cet été, pas en Kickstarter, mais un petit peu en avant-première, le NS Panel Pro. La différence, c'est que là, il n'y a plus de bouton physique, c'est tout en tactile. Il y a une passerelle Zigbee intégrée, donc il peut directement parler avec les produits Sonoff Zigbee à l'intérieur. Et là, c'est un gros mais. C'est une merde. Ah bon ? Pour l'instant. Ouais. En fait, ça a été des promesses et des promesses et des promesses. Et le problème, c'est qu'on reçoit un produit. Alors, quand moi, je l'ai reçu, en plus, il y avait encore moins de fonctionnalités que maintenant. C'est qu'il n'y avait rien. La compatibilité Home Assistant n'était pas disponible. Je ne sais plus quelle autre fonctionnalité, le Philips Hue n'était pas compatible, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est dans leur roadmap jusque novembre, décembre, etc. Donc, on reçoit un produit qu'on a payé déjà en promo à 70 balles, j'avais payé. Le prix de vente, au final, sera plus de 100 euros. Et qui n'est pas fini. Très cher. Sur un produit pas fini. Et ça, c'est inadmissible, c'est fou, vraiment. Ouais. Et j'ai vu, en moi-même, je me disais, merde, je suis con ou j'arrive pas à faire fonctionner ce que je veux, etc. Et en fait, non. Tout plein de YouTubeurs ont reçu aussi les produits, soit on l'a acheté, soit l'ont reçu par ce neuf. Et ils ont tous détruit le produit. Parce que c'est inadmissible de vendre un produit à pas fini comme ça. Donc là, c'est vraiment le gros coup de gueule. Donc vous voulez prendre le panel normal et pas le pro. Le panel normal, le premier. Moi, je considère que le panel normal est mieux. En plus, tu peux piloter des vrais relais. Là, c'est juste un écran affichage. Hein. Ouais. Tu ne fais rien. Voilà. Et en plus, tu ne peux pas le flasher sous ESP Home parce que ce n'est pas un ESP 32. C'est sous Android. Ah ouais. C'est un Android qui tourne. Ouais. En fait, c'est une mini-tablette, quoi. En gros, ça vient de... Exactement. Autant de prendre un ancien téléphone, comme certains font... j'ai vu ça, tu peux imprimer en 3D des espèces de supports pour des téléphones et tu te colles un vieux téléphone qui te sert de télécommande domotique, quoi. Écoute, un peu. Hormis que là, forcément, c'est bien intégré, c'est joli. Tu as l'alimentation qui rentre le pot directement, tu vois. C'est tout. C'est vraiment dommage. J'ai une question. Est-ce que tu peux afficher des films Netflix sur ton petit sur ton interrupteur? Non. Non, bon. Décidément, ça ne sert à rien. Bien sûr que non. Donc, non, bon. À voir si à terme, ils tiennent leurs promesses sur tout ce qui était intégration. Prévu en termes de fonctionnalité d'intégration et tout. Mais voilà. Pour l'instant, je relis en même temps. Désolé, j'avais pas prévu de vous en parler autant. Mais Matter et le BLE Mesh sont prévus, mais marqué 2023. Sur la V2 qu'il faudra réacheter. Non, je plaisante. Les IKEA Lite, pas de date, etc. Enfin bref. Effectivement, en plus d'ici là, il y aura une autre version. Bref, donc voilà, ça c'était pour la partie lumière et autres objets connectés. Et effectivement, maintenant, merci Gaëtan, nous allons pouvoir passer à la partie sécurité. C'est plaisir. Et c'est Antoine qui ouvre le bal, effectivement. Ouais, parce que la sécurité, c'est important quand même. Comme pour ton chat, tu sais, je te disais, la sécurité de ton chat, c'est plus important. Ben ouais. Non, moi, niveau sécurité, alors moi, je suis pas équipé d'alarme et compagnie, hein, je devrais peut-être pas le dire publiquement dans un podcast, mais... T'habites où déjà Je t'enverrai l'adresse, tu la connais. Mais sinon, non, moi, toujours sur les caméras Eufy et Netatmo, qui, aujourd'hui, aucun souci, ça fonctionne toujours aussi bien. Les Eufy, j'en suis vraiment, vraiment très content, là, les petites Eufy sur batterie. Je vais d'ailleurs m'en rééquiper de quelques-unes, puisque je compte quadriller tout le jardin, puisque c'est le but de ces petites caméras sur batterie sans fil. Sur batterie et qu'on peut mettre n'importe où, la portée fonctionne très très bien, donc je vais peut-être m'en reprendre quelques-unes pour vraiment les petites parties du jardin que je ne peux pas voir à distance, surtout que j'ai pas mal d'animaux qui se baladent la nuit, des blaireaux, des fouines et compagnie, et avec mon poulailler c'est pas l'idéal, donc voilà, moi côté sécurité ça s'arrête à ça. Mais toi, Julien, donne-nous ton point de vue, s'il te plaît. Donc, vous aurez compris qu'on avait écrit l'ordre de passage. Non, puis c'est surtout qu'on ne voudrait pas t'oublier cette fois. Ouais, vous ne pouvez pas t'oublier surtout. Merci. Donc, moi, par contre, effectivement, la sécurité, c'est là où il y a eu le plus de changements. Ah. Alors, c'est un petit peu, des coïncidences, on va dire. J'ai changé mon routeur pour continuer à utiliser du Ubiquiti et du Unify. Et comme j'avais déjà le routeur de chez eux, mais je suis passé à l'autre gamme qui est la Dream Machine, qui permet de faire routeur NVR pour les caméras et Je ne me souviens plus. Il y a d'autres sur les accès, les gestions d'accès, etc. Enfin, il y a plein de fonctionnalités en une. J'ai décidé de regarder un petit peu plus le système de caméra. Aussi pourquoi ? Parce que mon Synology, celui qui gérait les caméras, tombait souvent hors réseau. Il était allumé, mais il n'était plus accessible. Donc, je n'avais plus d'enregistrement et tout. Donc, j'ai décidé de regarder. Pour moi, Unify Protect, c'est pas nouveau. Ça fait un long moment que c'est disponible et c'était très fermé. Alors, c'est toujours le cas. C'est un des points négatifs. Mais pourtant, et avant, il y avait des caméras, mais c'était très, très cher, les caméras. Et là, je suis tombé sur une gamme de caméras qualitatives à prix vraiment très abordable. Alors, je vous donne des exemples. Une caméra 1080p en POE, qui soit orientable, mais pas PTZ, ça coûte moins de 100 euros hors taxe. Je crois qu'on arrive à 110 euros TTC. Et surtout, une petite caméra Wi-Fi qui est 1080p, on arrive à toucher ça à 27 euros hors taxe, donc une petite quarantaine d'euros TTC. Pour une caméra avec un très grand angle de vue. Alors, on est à 110 degrés sur les petites Wi-Fi. Et pareil, ils ont sorti quasiment la même taille, un peu plus cher, je crois qu'on est aux alentours de 80 euros, qui peut se mettre dehors, qui est Wi-Fi et qui peut se mettre dehors. Donc voilà, j'ai viré toutes mes caméras IP, j'ai viré mon Synology, j'ai viré aussi ma Netatmo Welcome, j'ai viré quoi comme caméra encore, les EFI, je les ai enlevés. Puisque en fait maintenant à l'extérieur, j'ai des caméras, des petites caméras Wi-Fi alimentées sur du secteur, puisque je peux le faire. Oui, c'est ça. En fait, la contrainte par rapport au Wi-Fi, c'est d'avoir une alimentation électrique, parce que tu ne peux pas faire sur batterie uniquement. Exactement. Là, j'ai bien dit parce que je peux le faire. Ou alors à bidouiller un truc un peu déporté comme a fait Antoine avec ses piles et son alimentation secteur. Ouais. Par rapport à Surveillance Station aussi, j'ai trouvé un énorme changement par rapport à ça, c'est la consultation à distance. Très honnêtement, je ne sais pas si c'était moi, mais Surveillance Station, à distance, c'était inutilisable. Le direct, c'était moyen, et alors refaire du replay sur les enregistrements, ça ramait du cul. Ouais, moi, je l'ai utilisé il y a très longtemps avec mes premières caméras, et je me souviens que c'était la merde. Donc, C'est hyper fluide. Même en slidant mon doigt, je vois le retour arrière, ça lag pas, alors que voilà, ma connexion internet n'a pas changé. Certes, maintenant j'ai une fibre, mais pour moi c'est un gros changement. Je peux enfin vraiment utiliser mes caméras à distance. Et surtout aussi, c'est que grâce à Homebridge, alors directement le plugin Homebridge, je repasse pas par Home Assistant pour ça, même si encore une fois, bien sûr, comme Home Assistant appartient à la marque Unify, c'est intégré de façon parfaite, oui. Ah, je sais pas ça. Ah si, il l'avait dit d'ailleurs la dernière fois, c'est notre invité. Non, Donc, j'ai oublié, tu vois. Bah bravo. Ben. Bravo. Donc là, directement Homebridge, et avec une chose aussi, c'est que les caméras sont considérées comme officielles, c'est-à-dire que je récupère la détection de visage et l'enregistrement cloud. Sur HomeKit. Et ça, c'est top. Et sur HomeKit. Et ça, c'est top. Donc le seul défaut, je l'ai dit, il faut un NVR Unify, et c'est soit on a la Dream Machine avec un disque dur, soit on a le NVR, donc l'enregistreur et tout. Et c'est que les caméras Wi-Fi, mais qui restent encore accessibles avec les portiers vidéo, etc. Deuxième gros changement, j'ai enfin abandonné mon alarme Somfy parce qu'il y en avait marre de bidouiller un script pour aller récupérer l'état, elle n'était pas connectée. Enfin, si connecté, mais interopérable, pardon, merci, avec, trois points. Avec les autres systèmes, je suis passé chez Ajax. Alors, c'est pareil, je crois que c'est Cédric de Loqueneux de Maison et Domotique qui aussi est chez Ajax, avait fait des articles, une super alarme connectée. Vraiment, le produit est top. Il y a une gamme de détecteurs qui est phénoménal, surtout des rideaux. Alors moi, j'ai mis des rideaux intérieurs, c'est-à-dire vraiment un rideau laser, c'est-à-dire que voilà, il faut traverser le passage. Ça évite que si on a une grande baie vitrée ou plusieurs grandes baies vitrées qui se suivent, au lieu de mettre des détecteurs d'ouverture à chacun, on met un grand rideau qui va tout traverser. Pareil, j'en ai mis un rideau à l'extérieur, ça prend toute ma façade de maison. Donc, même si j'ai un détecteur d'ouverture à ma porte, ça prend aussi toutes mes fenêtres en même temps. Là-dessus, de chaque côté, en bidirectionnel. Ouais. Donc voilà, enfin, c'est le seul défaut, entre guillemets, c'est que c'est hyper bien connecté. Il y a un plugin JDOM qui récupère toutes les informations. Le côté Home Assistant, bah, ils utilisent pour se connecter le protocole SIA, qui est un protocole de communication avec les télésurveillances. Mais très honnêtement, bah, c'est moins bien que le plugin JDOM. Donc, j'ai encore un petit JDOM qui tourne juste pour ce plugin-là et pour le RFX. Quand même. D'accord. Voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce changement sécurité en ce moment. Parfait. Et Gaëtan, c'est à toi maintenant. Ah ben moi, j'ai... Qu'est-ce que tu as changé, toi? Est-ce que tu as enlevé et rajouté? Alors, moi, j'ai toujours, bah, comme Antoine, en fait, caméra EFI et NetAtmo présence. Donc, alors les caméras EFI, elles sont bien, mais moi je les ai posées à un endroit où j'ai beaucoup de passages, sur la terrasse en l'occurrence avec les chats, etc. Et je bouffe quand même beaucoup de batterie. Enfin, je recharge tous les 3 semaines, moi, quand même, je suis obligé d'en brancher une pour la recharger. Mais tu peux désactiver ça, les chats désactiver les. Ouais, c'est peut-être les chats, peut-être nous aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, j'ai pas été plus loin, mais bon, ça bouffe un peu de batterie. Mais je suis dans un passage, donc on va dire que c'est pas que les chats. Allez, on va faire comme ça. Et deuxième sujet aussi, c'est qu'en fait. Finalement, je trouve que la détection à distance n'est pas si efficace que ça. Elle couvre pas si loin. Alors peut-être que les capteurs sont un peu crades, mais il y a deux trois trucs. Je dis tiens, finalement, ça n'a pas détecté. Je suis passé devant et enfin un peu plus loin. Ouais, moi je trouve que c'est pas si mal. Ouais, mais tu peux régler la sensibilité de la détection justement. Ouais, il faut peut-être que je creuse un peu dessus, mais par rapport à mes tests, finalement, enfin, c'est très bien, c'est hyper pratique. Mais en cas de détection de problématique, je suis pas certain. C'est mieux pour se rassurer. Puis voilà, pour détecter un truc. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est sûr qu'il faut pas s'en servir vraiment comme un truc de surveillance premier. Non, vraiment, ou, alors ouais. que l'état de mon présence, c'est vraiment la notification, quelqu'un est arrivé devant chez toi, etc. Le facteur est un bordel. Entre temps, j'ai eu la chance d'avoir quelques caméras qui ont été envoyées pour des tests sur YouTube. J'ai déjà fait une vidéo, j'en ai une deuxième à faire. C'est des caméras style un peu chinoise, enfin chinoiserie. C'est pas péjoratif, mais notamment j'ai une caméra qui est totalement autonome avec un panneau solaire. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Ça permet en fait de la mettre à des endroits beaucoup plus si on ne veut pas s'emmerder à recharger la caméra et puis si on veut couvrir quelque chose d'un peu plus loin. Et en plus c'est des caméras qui sont pilotables en termes de c'est un DOM qui peut se télécommander. PTZ. Merci beaucoup. Mais tu vois c'est avec la recharge solaire, tu tiens toute la nuit. Ah oui, alors moi ce que j'ai fait, c'est que pour tester, je l'ai foutu dans un coffre, dans le coffre du jardin, et puis j'étais là chercher 15 jours après. Elle était toujours encore. Donc, et de temps en temps, je me connectais pour voir ce qu'elle filmait, donc elle filmait dans le coffre, et elle tenait. Alors c'est pas 15 jours branchés en permanence. En fait, je pense que dès lors que t'es pas connecté, elle filme pas. Si elle va fonctionner avec du détecteur également et de la détection. Ah ouais, mais justement, j'aimerais bien que tu la mettes en condition réelle pour voir si effectivement. La charge de la journée permet de tenir jusqu'au lendemain pour la prochaine charge. Vu le poids de la batterie, on n'est pas sur du EFI, je pense que oui, enfin, je sais plus ce que j'ai fait dans les tests, bon, bref. Ah ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que le logiciel, ce que j'ai mis dedans, le logiciel était un peu planté tantôt, il buguait tantôt, même s'il y a une mise à jour, c'était pas non plus plus efficace. Et surtout, j'ai pas du tout réussi à l'intégrer, ni Homebridge pour HomeKit, ni avec Surveillance Station. Alors, c'était là justement la question que j'allais te poser. Comme elle est sur batterie, est-ce qu'elle est tout le temps connectée sur le réseau? Est-ce que tu la vois tout le temps connectée? Est-ce qu'elle stream tout le temps? Elle était en Wi-Fi, ouais, donc oui, elle était plutôt. Donc c'est du Wi-Fi. Donc en fait c'est quand tu veux l'interroger, mais j'ai pas été après honnêtement j'ai pas été plus loin. C'était en gros qu'est-ce que ça donne. Ça peut être bien pour une première caméra, quelqu'un qui veut s'équiper pour pas se prendre la tête. Il y a pas de configuration compliquée, c'est pas des protocoles à la con, c'est du Wi-Fi, tu mets, c'est du plug and play, t'as charge de batterie. Et ça coûte combien? C'était une centaine d'euros. D'accord. Bon voilà. Centaine d'euros pour une caméra autonome sur panneau solaire et batterie. Bon. Ouais, c'était pas déconnant. Enfin l'idée était pas mal. C'est pas la caméra du siècle, mais c'est pas non plus la merde en barre là-dessus. Voilà, puis là j'en ai une autre aussi à tester qui se branche ce coup-ci sur une douille d'ampoule. qui se visse en fait à la place. Et c'est le même principe avec du PTZ, comme tu dis, par rapport à ça. Bref, sinon dans les caméras aussi, je trouve, enfin donc j'utilise aussi beaucoup maintenant HomeKit Secure pour les EFI. Et je trouve, alors moi dans l'usage, je trouve qu'en fait quand on veut retourner sur un événement, comment la consultation est pas fluide, elle est pas, enfin pas fluide, elle est pas ergonomique. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire quand tu fais marche arrière, tu te retrouves dans c'est l'événement d'avant, l'événement d'après. Enfin, il y a un petit truc. Bon, c'est Apple. Dans 8 versions, on aura enfin l'amélioration, mais c'est un peu aléatoire. Enfin, ouais. Ouais, c'est un peu perfectible, c'est vrai. Moi, je l'ai activé aussi hein, pour les EFI, pour Netatmo, pour toutes les caméras que j'ai. C'est vrai que c'est un peu j'ai rarement le besoin d'aller. C'est ça, c'est plus le gadget que vraiment fouiller là-dessus. Ouais. C'est au moins que surtout voilà, mes vidéos sont archivées chez eux. En cas de besoin, je pourrais aller les reconsulter, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, pour terminer sur la sécurité, après, moi, j'ai, comme Antoine en a parlé également, donc ça va faire doublon, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la serrure connectée Nuki, que j'ai, moi, en version 2, donc avec des piles. C'est pas nouveau, ça fait plus d'un an. Ouais, mais je l'ai toujours. C'est important de le dire. Ah. En fait, non, mais c'était ça, le truc. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ton usage, oui. Je l'ai toujours et... Et tu en es toujours très content. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas dit non plus, mais, je l'ai ouais, aussi. Mais plus que content. Mais vraiment, c'est devenu en fait, ça s'est oublié dans nos usages familiaux. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. C'est pas un lieu gadget, etc. C'est pratique. C'est-à-dire que tu arrives, la serrure se déverrouille, parce qu'avec l'application Nuki en Bluetooth juste à côté, ça se déverrouille. Tu repars, tu appuies deux fois dessus, ça va se fermer tout seul si tu as oublié. C'est vraiment mais d'une fluidité d'un usage qu'on oublie. Ouais, c'est ça, c'est la transparence qui fait que en fait ça marche tellement bien. Comme on l'a dit plusieurs fois, hein, une bonne domotique, c'est une domotique qui s'oublie que ce soit les scénarios, etc. Et c'est vrai que la partie Nuki, elle est vraiment. Enfin voilà, c'est un truc. Au départ, je me disais c'était un gadget de prenez pas de fainéant en disant comme ça, j'ai besoin de sortir ma clé pour ouvrir le truc, tout ça. Mais en fait, c'est tellement pas de prise de tête. T'arrives, le truc il s'ouvre, t'as les bras chargés, ça s'ouvre tout seul. Enfin. La sécurité, pas juste le confort, parce que là tu parles beaucoup de confort. Ouais, moi c'est surtout sur la sécurité de dire je sais que la porte aussi. La nuit quand l'alarme, enfin quand on passe en mode nuit, c'est fermé. Oui. Quand on n'est pas là, je sais que c'est fermé. Voilà, c'est et si quelqu'un arrive devant chez toi, je dois rentrer, tu l'ouvres et puis tu peux faire à distance. Quand j'ai un gros coup de cœur, c'est quand c'est transparent, c'est qu'en fait tu as adopté totalement le produit ou le système et que c'est ça remplit totalement sa fonction. Ouais, et puis moi j'avais la grosse crainte du bruit, parce qu'effectivement ça fait un petit peu de bruit. Mais me dire le soir, tu fermes la porte, t'arrives le soir, tu déverrouilles et tout. Alors oui, effectivement, quand moi je rentre tard tout seul et que tout le monde dort, bah tant pis, je fais un peu de bruit avec. Mais le soir, tu vas te coucher, tu passes devant la porte, t'as besoin de la verrouiller. Si tu le fais pas par une automatisation ou quoi, tu peux tourner la molette quand même à la main sans appuyer sur le bouton pour déclencher la motorisation. Voilà. Et là, t'entends les notifications gling, gling, gling, gling sur tous les téléphones, comme quoi c'était verrouillé. C'est vrai, c'est top. Je vais me permettre, avant qu'on passe à notre dernière catégorie, où là on va avoir un peu plus de nouveautés, je vais revenir quand même sur la partie sécurité parce que je l'ai un peu oublié aussi, c'est pareil, maintenant ça a été intégré. J'en avais déjà parlé plusieurs fois de ce besoin, c'est la motorisation de mon portillon. Voilà, donc j'ai un petit portillon en plus de mon portail qui était en alu, donc hyper léger, ça claquait tout le temps avec le vent, etc. Et je cherchais un truc simple parce que la gâche électrique, pareil, ne fonctionnait pas. J'ai trouvé une motorisation que pour portillon, c'est chez la marque Nice. Alors, c'est pas donné, hein, ça coûte aux alentours de 300 euros. Comme Brice. C'est comme Brice de Nice. D'accord. Merci. Ok. voilà. Donc, d'habitude, c'est Gaëtan. Ouais, mais. Bon allez, j'arrive, donc Nice, j'ai profité de promos sur un site web, c'était Mister Menuiserie ou un truc comme ça. J'ai tiré j'avais pas d'électricité, j'ai ponté l'électricité de mon moteur de mon voisin portail pour arriver. Voilà, et j'ai mis une boîte de dérivation pour aussi intégrer une autre alimentation pour le Meros, puisque malheureusement le Nice possède un protocole de communication particulier par onde. Il y a aussi un bus qu'on pourrait réutiliser, mais c'était galère. Donc, comme il y avait une entrée contact sec, J'ai utilisé la même chose que toi, Antoine. Ouais. C'est une ouverture de garage de chez Meros, qui est directement compatible HomeKit aussi, avec un détecteur d'ouverture. Donc, j'ai collé le détecteur d'ouverture, c'est un bêtement avec un fil. Et puis, pareil, le Meros ouvre avec le contact sec la motorisation de portail. Donc, j'ai un portail directement intégré dans HomeKit que je pilote avec Siri. Donc ça, j'utilise pas beaucoup Siri. Par contre, pour tout ce qui est garage, portail et portillon, ça c'est directement avec l'Apple Watch. Ça marche d'enfer, quoi. Et voilà. Enfin, je voulais le dire parce que j'avais déjà fait un appel plusieurs fois là-dessus. Le portillon de chez Nice est vraiment bien. Il est facile à installer et tout. Voilà. Donc, on va passer à la dernière catégorie et vous allez vite comprendre pourquoi c'est un petit peu nouveau. On va parler d'énergie. Alors, c'est pas nouveau hein, dans la domotique, on a déjà parlé d'énergie, mais on va aller un petit peu plus loin que juste la domotique, les automatisations cette fois-ci. Gaëtan, je crois que toi, t'as enfin fait fonctionner tes thermostats Z-Wave. Hein? En fait, donc l'énergie, effectivement, comme t'as dit, c'est un sujet du moment qui est très à la mode. Alors, c'est pas à la mode juste par les influenceurs, hein, c'est vraiment à la mode parce que c'est un sujet sociétal très fort. Et en fait, oui, donc moi, j'ai au niveau gestion de l'énergie, donc moi, j'ai un truc qui existe depuis un petit moment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est mes thermostats virtuels avec interrupteur Z-Wave, dans les radiateurs que j'avais installé, que j'avais mis en place à l'époque avec la première box dont j'ai oublié le nom, Idomus. Après, j'avais réussi à basculer sur JDOM. Et là, je suis sur Home Assistant qui remonte sur HomeKit. Et là, c'était ma grosse inquiétude, justement, avec ma problématique de Home Assistant, que ça ne remonte pas. Donc, j'ai réussi à tout remettre en place. Comme ça, je suis prêt pour l'hiver. J'ai testé il y a quelques jours, ça fonctionne. Et ce truc-là, honnêtement, en termes d'économie d'énergie par rapport à quand je les avais pas installés avant, c'est vraiment un gain énorme puisqu'on peut vraiment piloter quelle température, quelle pièce. Je suis là, je suis pas là, les températures, etc. Enfin, bref, c'est vraiment un truc personnalisable et totalement logiciel. Donc, en plus, pas cher, quoi. Enfin, pas cher, entre guillemets, en dehors des modules. Donc, ça, c'est un truc sur lequel, franchement, en termes d'économie d'énergie, s'il y a un truc que je garde et que je plus sois, c'est ce truc-là. Je me suis posé la question de prendre des vrais thermostats connectés, type. J'ai oublié le nom. De chez Tado ou voilà. Netatmo ou celui qu'on tourne, là, le joli de chez. Merde. Nest. Nest, merci. J'allais dire que c'est Nest. Sauf qu'en fait, pourquoi acheter un produit à 150-200 balles, alors que le truc fait parfaitement le job, uniquement avec le téléphone, la voix de Siri, ou même un tableau sur une tablette connectée. Donc, non. Ouais, mais alors moi, je suis chez Tado, parce que, bon, alors, je pense que tout le monde, je l'ai déjà dit, il m'avait envoyé le thermostat et quelques têtes. J'ai racheté tout le reste des têtes qui me manquaient pour toute la maison durant les Black Friday l'année dernière. Et moi, c'est pareil, je trouve ça fantastique. Mais moi, j'aime bien le fait que voilà, le thermostat central puisse savoir aussi par rapport aux pièces et donc sache se synchroniser. Parce que le problème, sinon, c'est est-ce que le thermostat central va pas se lancer ou alors plutôt dire la tête thermostatique dans une pièce va dire « Vas-y, chauffe, je m'ouvre. » Mais en fait, le thermostat central, lui, il va pas savoir chauffer. Voilà, c'était pour moi le seul truc. Ou alors, faut savoir vraiment piloter la chaudière, le thermostat moi, central. C'est des radiateurs électriques indépendants. Donc en fait, je peux commander chaque radiateur de chaque pièce et avoir un truc ou deux radiateurs d'une pièce. Enfin, je peux vraiment en fait choisir quel radiateur fait quoi. Donc c'est vraiment le côté. Oui, sur une chaudière, effectivement, je pourrais pas faire la même chose. Sur une chaudière, il vaut mieux pour moi. Je sais qu'il existe du Zigbee, du Z-Wave. C'est bien si vous pilotez votre chaudière directement avec votre box. Et donc, vous pouvez ensuite intervenir sur les têtes. Moi, j'ai des collègues là qui me posaient la question. Ils sont partis sur Netatmo. Très bien. Ça fonctionne aussi très, très bien. Mais je leur ai dit, voilà, prenez le thermostat avec les têtes. Exactement. Et donc, après, dans le côté énergie, je sais pas si on avait enregistré, donc je suis passé à la voiture électrique, du moins côté de mon épouse, parce que moi c'est une voiture pro société, donc j'ai pas le choix. Donc intéressant. Le seul truc, c'est qu'en fait en termes de puissance électrique par rapport à certains moments de la journée, notamment le soir, si tu cuisines, si ton bain d'eau chaude se met en chauffe, Si tu as du chauffage et si tu veux charger ta voiture et que tu as un compteur un peu limité en termes de puissance et puis que tu as quelques rigs de minage de crypto-monnaie à côté, ça c'était avant. Du quoi de la crypto, comment ça existe encore? Non, c'est, ça c'est, depuis c'est, mi-septembre. C'était avant, c'est parce que je dis c'était bien avant. Et bah, en fait, ça pouvait sauter. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une prise classique, hein, pilotée qu'on a sur du Z-Wave ou du Zigbee. Et en fait, j'ai fait une petite remontée de compteur parce qu'en fait, j'ai JDOM, Home Assistant. J'ai l'ancien, c'est un vieux truc que j'ai du téléinfo USB branché sur le compteur électrique qui m'envoie donc ma consommation instantanée. Et avec la prise électrique, si j'avais un certain niveau de consommation, c'est-à-dire qu'en gros, je suis quasiment atteint la puissance maximum, ben, ça me coupe la charge de la voiture. Et si je redescends, ça me réallume la charge de la voiture. Et ça a deux vertus d'une part de gérer ton réseau et d'éviter que ça pète. Et donc, c'est la voiture qui, ça s'appelle du délestage, ça. Exactement, hein. Merci. Et surtout, le deuxième truc, c'est qu'en fait, sur la prise, j'avais remise à zéro. Donc, en fait, j'ai ma consommation cumulée de charge de voiture. Donc, je peux dire au bout d'un certain temps, voilà combien me coûte ma voiture en termes de charge à la maison. Ah, pas mal, ça. Bien vu. Ben oui, c'était aussi. En plus, comme tu sais le nombre de kilomètres que tu as fait avec. C'est exactement ça. Et on fait très peu de charge à l'extérieur payante, de toute façon. Donc, enfin, ça a vraiment un coût. Tu peux dire, voilà, la voiture à l'usage sur un an, ça m'aura coûté tant en termes d'électricité. Voilà. Et donc, pour terminer sur la partie électrique, ben, en fait, en ce moment, j'ai une grosse, enfin, ça fait un moment que ça dure, mais là, ça commence à pousser très, très fort. Une grosse tentation de tester ou de me lancer sur le photovoltaïque. D'autant plus que moi, j'ai la chance d'avoir une tentation, maison. Tentation. Ouais, mais c'est pas beau, la tentation. Et notamment pas à travers des alors, on voit ça sur YouTube, etc., mais tout ce qui est des panneaux qu'on branche, des plug and play. Alors, il y a toute l'installation complète qu'on peut faire, mais il y a du plug and play, c'est-à-dire des petits panneaux, et il y a BIM qui fait ça, il y a Synology. Bah, ils sont très bons, hein, ils sont très bons au niveau commercial pour nous donner envie là-dessus. Vous posez vos panneaux au sol ou sur un mur, vous le branchez sur une prise électrique, et puis c'est directement injecté à la maison, il n'y a aucune prise de tête, et je pense que ça peut être pas mal pour comprendre comment ça fonctionne le voltaïque. Commencer à jouer. Comprendre ses usages et comment on peut commencer à optimiser tout ça. Ouais. Et pour terminer sur la partie énergie, je suis là, j'ai reçu ça aujourd'hui d'ailleurs, mais ça faisait un petit moment que j'avais commandé, ça a mis un peu de temps. Je vais domotiser en fait mon spa, j'ai un spa extérieur gonflable, enfin c'est pas du gonflable mais style gonflable, avec un moteur qui malheureusement qui n'est pas domotisé, qui n'est pas en wifi ou quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance de tomber en panne, ils m'ont renvoyé un nouveau moteur et en fait en démontant le premier moteur, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si en panne que ça, donc j'ai un moteur d'avance. Et donc, dessus, j'ai fait mes petits tests et je vais tenter de le domotiser avec des petits modules classiques Zigbee pour pouvoir piloter la filtration, même si ce n'est pas ce qui consomme le plus, mais surtout la partie chauffage. Plutôt que de devoir appuyer sur le bouton, je mets en chauffe et je reviens 10 heures après, il faut que je le coupe. Donc, pouvoir également, dans mon côté des stages ou la nuit ou des moments creux, de pouvoir piloter ma température avec la sonde, on a déjà parlé également, IOPool, qui maintenant a ouvert ses API, on peut récupérer la température. Voilà un peu sur la partie énergie du moment. Antoine, bien joué. Écoute, moi je vais pas trop innover par rapport à toi, Gaëtan, parce que comme toi, pour le spa, moi je peux pas le domotiser. C'est compliqué parce que moi en fait il est sur l'alimentation. Il y a un petit bouton de test en fait que je dois appuyer manuellement vraiment quand on vient de le mettre en route. Donc clairement c'est un truc à pas cher, hein, que j'ai, donc c'est pas domotisable, c'est compliqué. Seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai une prise connectée dessus qui me permet juste de l'éteindre au cas où, comme c'est arrivé plusieurs fois, on l'a laissé en chauffe, on a oublié de l'éteindre, plutôt que voilà il rechauffe une journée le temps qu'on est au boulot, qu'on revienne du boulot. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. Pourquoi pas par contre, comme ça se fait sur les trucs non domotisables aujourd'hui avec ces switchbots, les petits modules, je crois que c'est toi, Gaëtan. Les petits doigts robotisés. C'est toi, Gaëtan, qui a ça. Ouais. J'avais testé, mais en fait, ça marchait pas. Ah, enfin, bon, ça marchait au départ, mais en fait, comme en plus le panneau, il est légèrement mou, c'est un truc à la con. Enfin, c'est qu'au début, ça fonctionnait, mais à l'usage, en fait, le truc s'enfonçait légèrement. Donc, il aurait fallu Bah, c'est peut-être un peu ça, mais en plus, la télécommande, je vois ce que tu veux dire. C'est une espèce de télécommande plate, là, où les boutons sont un peu pas du tactile, mais. Il y a un peu de jeu dedans. C'est pour les anxiétés. Bon, bref, c'est. Pourquoi pas, mais bon. Sur un truc aussi peu cher, je suis pas sûr que ça vaille le coup, mais voilà. Surtout, le seul truc, c'est voilà, pour les économies d'énergie, surtout, pas le laisser tourner, parce que j'ai pas encore trop regardé le niveau retour. Vous parlez d'économies d'énergie, mais ça consomme. Mais c'est pour ça. Donc, donc au mieux pour limiter, voilà. On devrait pas dire ça, hein, mais qu'on utilise des trucs qui consomment autant. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. Et puis, bah, comme toi, idem. Gaëtan, grosse réflexion sur tout ce qui est photovoltaïque aujourd'hui, ça fait envie. C'est vrai que quand on voit le prix d'électricité qui augmente et tout, c'est vrai que ça peut être pas mal. J'aimerais bien commencer à jouer avec tous les kits là de chez BIM ou chez Synology là qui fait des trucs similaires. Même si clairement on fait pas des économies avec ça, hein, je sais plus la rentabilité moyenne, c'est ce qui est donné à peu près, c'est quoi, c'est une quinzaine d'années, 10 ans. Donc clairement, bon, minimum, ça dépend aussi où est-ce que tu es. Voilà, l'orientation. Où est-ce que tu habites, hein. Voilà. Bah moi, habitant sur une île au milieu des Caraïbes, évidemment, ça fonctionne très bien. Non, pour la blague, non, en Normandie, je sais pas si on a un taux d'ensoleillement optimal pour ça, quoique. Mais bon, on peut en reparler. Mais ouais, tu nous diras. Mais ça me fait envie quand même. Donc on verra ce que l'avenir nous dira si je teste un jour ce truc-là. Et puis non, côté surtout économie d'énergie. Alors j'avais déjà testé une tête thermostatique de chez Meros qui fonctionnait bien sur les gros chauffages, les gros sèches serviettes de salle de bain. Ça faisait déjà une bonne année que j'avais ça qui fonctionnait à la maison, qui se mettait en route tout seul le matin, qui s'éteignait voilà après la douche et tout. Et ils ont sorti une version, alors je sais pas s'ils appellent ça version 2 ou version 3, enfin bref, qui maintenant est compatible HomeKit. Ils ont sorti une petite tête thermostatique qui est même un peu plus jolie, un petit écran, l'écran est un peu plus sympa. Et donc j'ai commencé à m'équiper, donc il va falloir que je m'équipe sur tous les radiateurs de l'étage pour surtout gérer au mieux, parce que avant on laissait ça ouvert à peu près de moitié et puis ça chauffait toute la journée quoi, on n'y touchait plus, donc ce qui est pas top. Donc on va essayer de réguler au mieux, de faire des économies d'énergie avec ça. Et de ce que j'en ai testé là depuis peu, ça marche plutôt bien. Donc à voir sur le long terme. Mais et puis pour le rez-de-chaussée, en fait, j'ai le chauffage au sol. J'aimerais bien passer sur un thermostat connecté. J'en ai jamais mis, puisque chauffage au sol, le fonctionnement est peut-être pas optimal avec un thermostat connecté, avec l'inertie de la dalle. Donc on peut pas jouer toutes les 5 minutes à baisser de quelques degrés, remonter et compagnie. Donc est-ce que ça a un intérêt, je sais pas. Donc à voir si je peux faire. J'ai jamais vu de ce cas-là du parquet chauffant, enfin plancher domotisé. Plancher chauffant, ouais. Domotisé, ça vaudrait le coup de peut-être faire un appel à nos auditeurs si eux ont déjà vu. De toute façon, hein. C'est le même principe. Moi, ça fonctionne avec une chaudière, donc je peux oui, très bien mais... mettre un. Est-ce que quelqu'un connaît ? Est-ce qu'il y a un intérêt, quoi ? Comme tu dis, vu l'inertie. Bah ouais, il y a à peu près 6 heures d'inertie entre le temps de chauffe et le temps de refroidissement. Donc est-ce que, en plus, un thermostat connecté, je sais que Netatmo, il apprend un petit peu des habitudes de chauffe et compagnie, alors je pense que c'est le cas pour tous les autres, hein, mais je sais que le Netatmo fait ça, est-ce que justement il prend en compte un peu tout ça, je sais pas. Effectivement, s'il y a des gens qui ont testé, qui l'utilisent, ça m'intéresse. Si vous avez des retours à me faire là-dessus, je veux bien savoir. Et juste pour compléter ce que j'ai dit, ce que Antoine a dit également concernant les photovoltaïque avec les petits kits qu'on peut brancher rapidement, les plug and play. En fait, on n'est pas les seuls à y réfléchir, puisque le marché aujourd'hui, si vous voulez en commander chez ces revendeurs, c'est 6 à 8 mois de délai. Allez faire un petit tour sur le Bon Coin, il y en a quelques-uns pour un peu moins cher et disponible tout de suite. Avant de passer à Julien. Alors, toi, t'as rien fait pour l'énergie, toi. T'es toujours au charbon. Non, j'ai rien fait pour l'énergie. Hein, je vais juste rajouter un petit truc. Donc, je l'ai dit, hein, moi, je suis depuis maintenant quasiment 2 ans sur Tado. L'année dernière, j'ai complété. Et justement, les premières têtes thermostatiques, j'en avais 4. J'allais rallumer un petit peu. Prochainement, je prépare l'allumage de Winter la chaudière. Winter is coming. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai eu l'affichage de ces piles-là sont mortes. Donc, j'ai recommandé tout à l'heure les fameuses piles Energizer, lithium, etc. Mais pour vous donner un retour aussi, les têtes thermostatiques, pour moi, ça consomme 2 piles AA en 2 ans par tête. C'est pas non plus. Ce qui est plutôt raisonnable. Ouais, c'est ce qu'il y a, moi, dans les têtes Meros, là. On verra, comme toi, si ça tient longtemps, mais... Je fais une petite parenthèse. Vous recommandez des piles neuves et vous ne partez pas sur des piles rechargeables ? Alors, le Tado ne recommande pas les piles rechargeables, hormis la marque Panasonic Enoloop. et Nelou. Et, bah, c'est ça, bah, c'est celle-là. Et donc, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai, je devrais aussi mais c'est souvent, m'intéresser hein, à ces piles. C'est souvent les appareils connectés. Hein. C'est souvent pas recommandé. Les... Moi, je mets des Nelou, des Nelou partout. Enfin, des. Enfin, il y a Panasonic, Eneloop, et puis IKEA on fait des Eneloop aussi. Mais ouais, je prends. Très longue à recharger. Hein, très longue à recharger, priori, mais hein. Très longue en décharge, en non-utilisation. L'intérêt du truc, en fait, c'est que ça ouais. Ne consomme pas. Enfin, c'est un taux de décharge qui est beaucoup plus faible. C'est beaucoup utilisé par les photographes, notamment. D'accord, ok. Bah écoute, on en reparlera en off. Ça m'intéresse d'avoir plus d'infos. Donc effectivement, alors on vous a un petit peu teasé au tout début. Gaëtan et Antoine vous ont dit un petit peu leur envie. Mais moi, j'ai pas de spa, mais j'ai des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Et j'ai testé et enfin testé. J'ai acheté et les deux possibilités, c'est-à-dire le kit BIM, donc pour ma résidence secondaire qui a un talon énergétique assez faible, le kit BIM me suffisait. Donc il y avait une promo avec l'influenceur qui s'appelle Locan, qui avait 150 euros sur le kit à 690, un truc comme ça, ou 790. Donc 150 euros mine de rien, j'ai sauté dessus. Sur le panneau, t'as sauté? Non, j'ai évité, j'ai sauté sur l'occasion. Sur l'occasion. Voilà, c'est super simple. Comme l'a dit, comme l'ont dit Gaëtan et Antoine, c'est des panneaux. Alors, soit qu'on fixe au mur, alors c'est à la commande qu'il faut le savoir, soit on les fixe au mur, soit on le pose au sol et on leste avec ce que vous avez, des parpaings, etc. Et directement, on a un boîtier qui sort des panneaux solaires et c'est branché sur une prise extérieure. Intérieur, si vous laissez passer le câble à travers votre baie vitrée, mais bon, je pense que c'est pas terrible, qui va réinjecter l'électricité produite directement dans votre maison. Et beaucoup de personnes me posent la question, ben oui, mais comment tu sais que ça part pas ailleurs, etc. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, c'est que l'électricité est fainéante par défaut, c'est-à-dire qu'elle prend le chemin le plus court vers le producteur d'électricité. Donc, comme votre panneau est producteur d'électricité et votre consommateur d'électricité est très proche, plutôt que d'aller d'essayer de tirer à travers votre compteur d'énergie EDF, il va prendre directement là. Et s'il n'a pas assez, il prendra à côté. Donc, voilà comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi simple de brancher. Moi j'en ai trois et quand j'ai prononcé un terme aussi, le talon énergétique. Le talon énergétique, c'est le minimum sous lequel votre maison ne descend pas, même si elle n'est pas occupée, vous n'êtes pas là, etc. C'est-à-dire que tous vos appareils en veille, les frigos, le wifi, tout ce qui consomme la box internet si vous la laissez allumée, etc. Tout ce qui consomme de l'énergie au minimum. C'est ce qu'on appelle le talon énergétique. La moyenne des Français est à 300 watts. Et ça tombe bien, 300 watts, c'est la taille d'un kit BIM ou Sonology qui est plutôt à 400 watts. Ce qui fait que logiquement, vous arrivez dans les jours où vous avez du soleil en heure de pointe. Parce que encore une fois, quand on dit 300 watts, c'est 300 watts crête. C'est-à-dire le maximum que vous aurez. Donc c'est une belle parabole, même si vous avez le beau soleil parfait et que vous êtes orienté plein sud avec le bon degré d'inclinaison, parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de choses qui rentrent en compte, vous aurez forcément une parabole en termes de production. Vous aurez compris aussi, c'est que moi je suis parti sur un kit DIY que l'on fait soi-même. J'avais tenté de regarder l'installation par un installateur. C'est cher. On ne maîtrise pas toujours les panneaux qui sont installés. Est-ce que c'est des panneaux chinois avec un taux de carbone, on va dire, déjà, ils sont produits, on est déjà négatif en carbone, ce qui est important aussi, il faut quand même le voir. Un professionnel, ça se paye, son expérience, ça se paye. Donc forcément, ça a un coût. Il y en a qui abusent, ça c'est sûr, mais... Ne pensez pas que voilà, c'est Le gars, il ne peut pas gagner 500 balles sur sa journée aussi. Hein. Je défends aussi un peu les professionnels. C'est bien. Les vrais installateurs, les vrais professionnels, il faut qu'ils gagnent leur vie. Hein. N'oubliez pas qu'il y a la TVA, les 20%, la marge, etc. Donc, bon, il prend aussi de la marge sur le matériel. Mais voilà. Désolé, c'est parce que souvent, on compare le prix du kit qu'on trouve sur Internet versus un installateur. Ce n'est pas comparable, oui. Encore une fois. Donc, moi, je suis parti en fait moi-même. J'ai tout commandé sur Oscar Power. C'est pas des pièces de voiture et pour faire ma vidange. C'est la même boîte, sinon. Oui, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Alors, il y a plein d'autres sites qui proposent. Il y a Mon Kit Solaire qui, d'ailleurs, est sur l'île, mais eux sont pareil victimes de leur succès. Il y a My Shop Solaire. Il y a vraiment plein de qui proposent des kits. En France. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi Oscaro parce que. Déjà, les produits étaient disponibles, ce que je voulais. Pourquoi aussi ? Parce que j'ai fait, via leur configurateur, un kit. Sauf que j'ai fait des modifs parce que je voulais pas le panneau de base du kit, je voulais des SunPower. Alors certes, c'est pas européen, c'est américain, mais c'est les meilleurs avec la meilleure garantie sur 25 ans, etc. Et en fait, ça avait des impacts sur mon panier. Mais la personne, par téléphone, a repris la main sur le panier. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a vraiment bien conseillé. Il y avait des pièces en trop, ça je l'ai su après. Ben en fait, le retour s'est fait de façon mais totalement transparente, une étiquette de retour, limite comme sur Amazon quoi. C'est l'expérience. Mais Oscaro ils sont très bons pour les pièces de voiture. J'ai déjà pratiqué. Tu peux pas remettre ton panneau solaire dans la boîte aux lettres ? Non, je déconne. Non, j'avais une question plus sérieusement, c'est que en fait au niveau du conseiller, qu'est-ce qui t'a fait changer ou qu'est-ce qui t'a l'intérêt du conseiller par rapport à ce que t'avais pris ? En fait, voilà, c'est que moi, j'ai pris de base, quand on fait un kit, bon, voilà, on prend des panneaux, on choisit si on est en onduleur ou micro-onduleur. Mm-hmm. Et voilà, on sélectionne. Donc, ça ajoute dans le panier et tout. Sauf que moi, je voulais des panneaux de la marque SunPower avec micro-onduleur intégré. C'est-à-dire que c'est pas deux produits qu'on achète, c'est un seul. Donc, il y a plein de choses qui changent. Déjà, on n'a pas besoin effectivement d'avoir deux produits. On doit être sûr que la puissance. Voilà, c'est compatible. Ouais. Les câbles. Moi, c'était une rangée de 10. Et au début, je pensais une rangée de 10. Finalement, j'ai passé sur une rangée de 4, une rangée de 6 panneaux. Enfin, voilà. Plein de choses. Des attaches de micro-onduleurs, finalement, il n'y en a pas besoin. C'était intégré. Donc, ça, c'est les choses que j'ai dû renvoyer. Enfin, bref, voilà. L'expérience en tant que client et l'accompagnement et la compréhension, voilà. Et c'était vraiment très, très bien. Donc, je ne vous donne pas de détails, effectivement, sur l'installation d'un kit comme ça, DIY, où vous faites tout vous-même, ou que vous confiez à un professionnel. Si ça vous intéresse, et c'est là où on voulait un peu vous teaser, vous poser la question, est-ce que le sujet de l'énergie, des panneaux photovoltaïques vous intéresse ? Est-ce qu'on peut creuser ? Prendre mon cas où voilà, j'ai tout installé moi-même en pose au sol en dessous de 1m80 à un maximum 3 kilowatts parce qu'il y a plein de normes, etc. C'est un enfer. Vraiment, c'est pour ça aussi Oscaro a des guides qui sont très très bons. Voilà, donc si ça vous intéresse, on peut faire un épisode dédié à ça. Voire même d'autres épisodes aussi sur les autres produits que j'ai achetés, c'est les batteries EcoFlow. Alors, vous avez peut-être aussi beaucoup vu parce que ça a inondé le YouTube Game. C'est le Rhino Shield de l'énergie. C'est ça. Alors, moi, clairement, c'est parce que j'y ai vu mon intérêt, les ai achetés. J'ai acheté d'abord une première Delta Mini. Qui est passé dans ma... Alors, beaucoup vont me dire, mais c'est con. C'est une batterie portable, sauf que moi, je l'ai mis dans ma baie de brassage. Voilà, c'est con. Parce que mon onduleur était mort. Et plutôt que de racheter un gros onduleur professionnel et tout, en fait, au nombre de kilowatts, je préférais prendre la Delta Mini, quitte à éventuellement plus tard me balader avec. Mais surtout, j'ai racheté après, et ça, j'ai bénéficié parce que tout ça est revendu chez Leroy Merlin. Alors, désolé, je leur fais un peu de pub. Bon, ça va, c'est mon client, donc je leur fais de la pub. C'est vendu chez Leroy Merlin. On trouve ça dans quelques magasins, mais sinon en ligne. Et l'intérêt. La Delta Pro, c'est la grosse batterie. J'ai pris l'extra batterie en prêt. Donc, ça veut dire que j'ai 2 x 3,2 kWh de batterie. Et on va me dire, mais pourquoi? Alors, je n'ai pas de van, parce que d'habitude, c'est plutôt des batteries, effectivement, pour les vannes et pour les gros barbus à chemise à carreaux. Ah, de vannes camion. Oui, ah. Ce n'est pas les vannes, effectivement. Ah, les vannes qui font rire. Voilà, donc Antoine, toi, je pense que tu regardes aussi beaucoup. Bah oui, en fait, aujourd'hui, t'as pu, moi qui suis un peu dans le milieu du van et tout, aujourd'hui... Ah, c'était toi Ouais, en fait, tu vois plus une vidéo d'un influenceur, un mec qui aujourd'hui fait des vidéos sur le van et commence un petit peu à avoir d'influence, direct, il te présente les batteries EcoFlow, mais c'est incroyable. Ou Blue Yeti. De toute façon, c'est les deux concurrents, Blue Yeti et EcoFlow. Ouais, mais aujourd'hui, c'est surtout EcoFlow. Je pense que c'est eux qui ont inondé le marché. Ouais, alors franchement, Blue Yeti, pour avoir vraiment aussi beaucoup comparé les deux produits. Il y avait les Goal Zero aussi, très, très bon. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont fait enterrer. Ah, ça, par contre, tu vois, je les ai même pas vus passer. C'était eux un peu. Donc, les précurseurs, les Goal Zero, là-dessus d'ailleurs. Ouais. Alors, vous me direz, mais pourquoi, si tu fais pas de la van life, ou pourquoi t'as ça? Surtout que t'as très beau van. Des grosses batteries, surtout que j'ai des batteries. Voilà, j'ai pas de spa et tout. Bah, en fait, chez EcoFlow, j'ai aussi acheté, alors j'ai craqué le sac, j'ai aussi acheté le Smart Home Panel de chez EcoFlow. Oui, là on n'est plus dans la Philips Hue à 50 balles. Alors là, on n'est plus, effectivement. Alors, je précise encore une fois, c'est que moi, je travaille beaucoup de chez moi. Je suis un indépendant en informatique. Avec, malheureusement, les problèmes qui pourraient arriver. Alors, pour ceux qui sont pessimistes ou optimistes, il faut voir du délestage. Moi, des après-midi de non-électricité, ça va me coûter cher. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, le Smart Home Panel, c'est en fait... Une sorte d'inverseur de source intelligent. C'est quoi un inverseur de source? C'est-à-dire que ça va passer automatiquement et en toute transparence vos appareils de la maison du réseau EDF à la batterie. Donc, dès qu'il y a une coupure de courant, ça prend les appareils que vous avez branchés sur le Smart Home Panel. Alors, c'est limité à 10 disjoncteurs. Donc, si vous avez plus que 10 disjoncteurs dans votre maison, il va falloir choisir ce que vous voulez sauvegarder. Par exemple, le lave-linge, vos appareils informatiques, etc. etc. Et donc, on passe sur la batterie automatiquement. Alors, c'est bien, mais vous allez me dire, le délestage, c'est peut-être pas tous les jours. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre intérêt, c'est que la batterie, si vous êtes en heure creuse et en heure pleine comme moi, ou votre batterie, vous allez pouvoir la recharger la nuit et l'utiliser le jour, où c'est plus cher. Donc vous allez gagner, alors certes, quelques centimes. Mais cumulé sur plusieurs années. Sur plusieurs années, c'est pas mal. Et dernière chose aussi, c'est que les batteries EcoFlow font onduleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher des panneaux solaires directement au cul de la batterie, et donc c'est elles qui vont transformer l'énergie de courant continu en courant alternatif et le stocker. Donc voilà, c'est tout un ensemble de résilience, on parle plutôt d'autonomie et pas d'autoconsommation comme la première installation que j'ai fait, comme ça moi j'aurai les deux. Voilà. Et pour poursuivre tout ça, on en avait déjà parlé il y a longtemps dans les top CES, je crois, EcoJoco, qui me permet de suivre en fait en temps réel ma consommation, ma surproduction et tout. Mon injection gratuite sur le réseau, parce que j'ai pas de contrat. Inférieur à 3 kilowatts, on n'est pas obligé d'avoir de contrat de revente, etc. Voilà, c'est beaucoup. Moi, c'est le sujet qui m'anime depuis avril. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme l'Instagram, je poste pas beaucoup, mais alors voilà, ça, c'est quelques posts que j'ai pu faire, donc vous le saviez peut-être déjà. Mais voilà, donc si ce genre de sujet, vous voulez qu'on creuse les kits BIM une émission sur les panneaux photovoltaïques, qu'on vous explique ce que nous on a compris. Alors attention, on n'est pas non plus des experts, c'est je vous dis à force de documentation. Pourquoi aussi les batteries EcoFlow et qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale, ou le cas du Smart Home Panel, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, enfin nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, sur la page de Tech Café Domotique, hein, où il y a toujours la section des commentaires si vous avez des questions, etc. Voilà, c'était un petit peu. C'était Tech Café. Tout ça. Juste pour compléter, parce que t'as parlé de Leroy Merlin. C'était juste, non pas pour faire une pub pour Leroy Merlin, c'est parce qu'en fait, quand tu es chez Leroy Merlin, t'as une carte, la fameuse carte client. Exactement. Voilà, qui te permet d'avoir au moins 10% ou, enfin, je sais plus. Voilà, quoi. N'oubliez pas, tous les 1 500 € d'achat chez Leroy Merlin, vous avez une journée à 10%. Bah, quand on commence à avoir des batteries à 1 000 €, 2 000 €, jusqu'à 4 000 € la batterie, bah, 10%, c'est pas négligeable. Si vous avez un copain qui bosse chez Leroy Merlin, la remise est supérieure, pour info. Voilà, c'est juste pour compléter par rapport à ça. Parfait, donc dites-nous. Versus les 5% qu'il y a avec certains codes d'influenceurs. Alors, non pas pour leur pirater le truc. Non, mais après, c'est... Il faut faire aussi fonctionner vos influenceurs, entre guillemets. C'est ça, après, c'est pas méchant, après c'est le côté bon plan pour certains sujets. Des fois, il n'y a aucun intérêt, puis des fois, ça peut avoir un intérêt. Exactement. C'est juste là-dessus par rapport à ça. Bon, dites-nous si vous êtes intéressé ou pas par le sujet. Ça conclut pas encore l'émission, puisque vous avez sélectionné deux chaînes YouTube et blog que vous vouliez mettre en avant, c'est ça, cher Gaëtan et Ouais, c'est surtout Gaëtan. Bah non, c'était juste un... Quoi ? Mais vas-y, attaque. Non, moi c'était juste un petit... un peu pour faire écho à ce qu'on a expliqué un peu au début, là, via les... tout ce qui était raccourci d'Apple, via HomeKit, Home, et l'application dédiée raccourci, donc Shortcuts, d'Apple. Sébastien Goffin, avec qui on avait fait une émission dédiée HomeKit, qui a sorti il y a quelques jours là une petite vidéo justement qui explique bien la différence avec les raccourcis directement dans l'application raccourci, les automatisations directement dans l'application Home. Il fait vraiment une explication là-dessus, et c'est assez clair et c'est assez sympa pour les gens qui pataugent un peu là-dessus. Donc voilà, c'était surtout pour lui faire une petite pub là-dessus, parce que j'ai trouvé sa vidéo assez cool. Voilà. Mais toi, Gaëtan, t'as un YouTuber que je suis aussi depuis quelques temps. Ouais, qui je trouve très cool. Les qualités sont des vidéos sont très très bonnes et s'affinent au fur et à mesure. Le c'est ton clair. Est juste, il est posé. C'est très agréable à regarder, et en plus, il y a du talent dedans. Donc en fait, c'est la chaîne de Abrege, A-B-R-E-G-E. En fait, c'est quelqu'un qui fait un peu de bricolage soudure. Bref, un peu de domotique. Ouais, il fait un peu d'électronique. C'est très mal. Ouais, je recommence. Monsieur, on fait marcher backspace. Non, en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de do-it-yourself. On va plutôt le faire comme ça. À la base, je crois que c'était surtout de l'impression 3D. Ouais, et donc il y a de l'impression. Ouais. Non, parce que moi j'avais découvert sur autre chose, sur un bandeau. Enfin bref. Donc en fait, il fait de l'impression 3D, mais il fait surtout plein de systèmes de comment. Mais il s'est créé une box domotique lui-même. Il s'est créé un système de bande de petits tiroirs qu'il a imprimé en 3D, mais qui s'ouvre automatiquement à la voix. Ah, c'était ouf ça. Il y a plein de petits trucs qui sont... Il utilise aussi beaucoup tout ce qui est ESP32 et ESP32, donc effectivement qui programme pour faire des appareils connectés qu'il fait lui-même avec de l'impression 3D et tout. Donc il mêle vraiment plusieurs exactement, mondes. Et en fait il part d'une idée, voilà ce que j'ai envie de faire, et il explique comment il fait ses tentatives, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Notamment c'était un truc d'une mini clim ou je sais plus ce qu'il avait plusieurs essais, il essaie d'améliorer, il explique comment, pourquoi, et c'est sûr, en plus c'est très agréable à regarder, c'est très zen, enfin moi je trouve ça c'est un peu dans l'esprit des deux frangins là, c'est quoi, les frères Poulain. Moins un peu dans l'esprit un peu bricolage, c'est un peu dans le même esprit, dans le même type de bricolage, mais lui il fait ça chez lui dans son petit appart, c'est vrai que c'est très zen à regarder ça, c'est hyper relaxant en fait. C'est ça, il y a un petit côté cocooning quand tu regardes ça. Enfin, c'est ça, et puis donne envie. Il y a longtemps j'étais tombé sur lui parce que je cherchais des idées, tu vois, d'idées d'impression 3D. Et il avait fait des vidéos comme ça. Il fait beaucoup de vidéos de 10 idées d'impression 3D pratiques, ou 10 idées d'objets connectés à faire soi-même, etc. Donc il y a des très très bonnes idées là-dessus. Je plus sois. Parfait. Allez, jetez un petit coup d'œil, vous allez voir. Je pense que ça conclut notre épisode. On a fait une petite heure et demie, donc ça va. On est pour la reprise. Et je n'ai pas coupé. Hein, je tenais à souligner quand même que je suis toujours là. On t'a pas perdu, effectivement. Alors effectivement, Gaëtan m'a fait remarquer à un moment que mon micro était coupé, visiblement. C'est moi qui l'ai coupé. En fait, je sais pas si ça va donner un montage final. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, t'entends, vous allez peut-être entendre un petit souffle, des petits bruits parasites. Ton ventilateur d'ordinateur. Voilà, ce n'est pas nous. juste Antoine, donc à mon avis, je me suis permis de te couper, de te couper. D'accord, non, mais c'est de, je pensais que c'était moi, tu vois. Non, c'est pour ça que je te dis, je t'avais prévenu pour pas que tu prennes la parole en disant mais on t'entend pas. Voilà. Voilà, mais hormis le bruit de ventilateur d'Antoine, on va quand même pouvoir te découvrir sur tes réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, bah sur Instagram surtout. Mon site blog thewalkingdad.fr est encore actif, mais ne sert plus à rien. Faudrait que ça dégage un jour ou que je refasse quelque chose là-dessus. Mais voilà, surtout si vous voulez me contacter. Ouais, plutôt par Instagram, TheWalkingDadFR, c'est mon pseudo, c'est plus simple. Voilà. Et toi, Gaëtan ? Bah moi, on me retrouve sur CotiGeek, comme d'habitude, non, c'est n'importe quoi, comme CotiGeek.fr. Et en fait, dedans, vous allez avoir les liens pour l'Instagram, pour la chaîne YouTube. Dessus, il y a également un blog, il y a des petits streetcasts, des petits podcasts de temps en temps. T'es encore un des rares à vraiment à streetcaster. Et à publier même des vidéos YouTube. Ouais, et là j'en ai quelques-unes de retard. Et par contre, le blog, bon, pff, si vous voulez voir des vieux articles, mais après le reste, en fait, ce blog-là me sert de support pour ces différents médias. Donc, cotigeek.fr. Alors toi, moi, il y a toujours le blog, même si effectivement, la dernière fois, c'était en janvier, il y a eu une vidéo aussi sur. J'en ai pas parlé. Tiens, aussi, c'était un autre écran de chez Xiaomi, chez Akara pour commander. Donc, mais par contre, oui, je vous annonce que le blog repart, puisque tous les sujets dont on a parlé, notamment sur la partie énergie. J'ai prévu de vous en parler parce qu'encore une fois, là, c'est pour le partage de la communauté. Donc, prochainement, alors on verra bien si les émissions Tech Café Domotique seront avant ou après mes articles de blog. Et puis, vous pouvez quand même me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement mes conneries à moi, que ce soit drone maintenant, drone FPV, voilà, parce que c'est aussi de nouvelles passions qui arrivent et qui prennent du temps. Parfait. Un vrai geek. Ouais. Ah oui. Bien. C'est très bien. Et puis accessoirement, on a toujours le flipboard. C'est vrai. Mais quelques articles. Ouais, comme on l'a dit au début, l'actualité domotique n'est pas hyper dingue en ce moment. Voilà. Les actualités, les articles ne sont pas non plus nombreux. Mais vous pouvez suivre un petit peu ce qui se passe là-dessus aussi. Parfait. Ouais. Messieurs. Eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée si vous nous écoutez en soirée. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode numéro 29. Et on attend. Alors, le sujet. Pas dans un an cette fois-ci. Et le sujet, c'est vous qui nous dites. Voilà. C'est vous qui nous dites. Même si on sait déjà à peu près le prochain épisode. On pense que vous allez dire oui. Allez. Allez. Allez, à plus. À bientôt. Salut. Salut. Salut. Ciao, bye.